le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du, aussi au fan club français des New England Patriots. Ça fait plaisir de tous vous retrouver pour une nouvelle émission en direct. On est une journée de Super Bowl, certes, il n'y a pas les Patriots ne joueront pas ce soir, mais pour autant, on ne change pas une habitude. On se retrouve en direct ce dimanche pour bien sûr parler évidemment des Patriots, où on fera un retour sur la saison régulière, sur la saison même en général avec les playoffs, et on parlera de la off-season où il y a énormément de choses à dire, notamment du côté d'un certain quarterback. On a encore eu des news qui ont fuité il y a quelques minutes avant l'émission, et avec mes invités, on va énormément réagir à cette actualité. Je demanderai évidemment l'avis à mes invités sur un peu ce que va faire Tom, quel est leur ressenti, et même sur les Pats en général. Mais pour nous accompagner, laissez-moi vous présenter les invités qui sont avec moi aujourd'hui et d'autres qui nous rejoindront par la suite. J'ai avec moi Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Cédric et bonsoir à tous. Très content d'être là. Pour nous accompagner également, j'ai Igor avec moi. Salut Igor. Salut les staff, salut tout le monde. Pour nous accompagner également, j'ai Florent. Salut Florent. Salut Cédric, salut tous les fans. Et j'ai aussi avec moi Arthur. Salut Arthur. Salut les potos, salut tout le monde. On aura un peu plus tard dans l'émission Siri qui doit nous rejoindre dès qu'il le peut, et également notre cher président. On fait un coucou à ceux qui n'ont pas pu être avec nous, c'est-à-dire Vincent et Gigi, ou en tout cas Vincent va essayer de nous rejoindre, mais c'est pas sûr. En tout cas, et Gigi malheureusement va pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. En tout cas, on lui passe un coucou, je suis sûr qu'il nous écoute. Donc, au sommaire de cette émission, comme je vous l'expliquais, on va revenir dans un premier temps sur la saison des New England Patriots, que ça soit saison régulière, les playoffs. On va parler de ce qui a marché, moins bien marché. Évidemment, on fera un clin d'œil au trophée de défensive Player of the Year de Gilmore. On essaiera d'évoquer un peu les raisons aussi de cette saison un peu plus difficile du côté des Patriots. Et en deuxième partie d'émission, on attaquera la off-season, les enjeux, les questions qu'il va y avoir pendant cette free agency, toute cette off-season, la draft, etc. Qu'est-ce que les Patriots doivent changer? Quels sont les défis auxquels ils doivent faire face? Et évidemment, le gros sujet qui va lancer la off-season des Patriots, qu'il a déjà lancé, mais qui va avancer encore de plus en plus dès la fin de cette saison qui va attaquer la nouvelle, c'est évidemment le futur de Tom Brady. En tout cas, moi, il me reste à vous souhaiter une bonne émission. Le Fan Club français des New England Patriots, la grande émission, c'est parti. Allez, on va attaquer tout de suite cette première partie d'émission. N'hésitez pas, bien sûr, à réagir, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur le chat qui est à votre disposition à côté du lien YouTube pour poser vos questions, pour réagir en direct. On essaiera de prendre un maximum de vos questions, de vos réflexions aussi pour partager tous ensemble, pour lancer ces débats, ces discussions autour des Pats sur la saison régulière et après, bien sûr, sur la off-season. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, évidemment, sur le chat de YouTube, si le son il est ok ou pas. Nous, on va attaquer la première partie, donc cette saison des Patriots qui s'est arrêtée assez rapidement, voire très rapidement, dès le premier match des playoffs en wildcard face aux Titans. Mais avant de rentrer dans ce match de playoffs, alors on en a bien entendu parler pendant toute la saison. Mais en tout cas, messieurs, je vais commencer par toi, Igor. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison des Patriots? En un mot très rapide, et je ferai le tour de mes invités. Bah, pour moi, c'était une saison qui a commencé sur les chapeaux de roue. On a quand même eu une défense sur les deux premiers mois qui était vraiment au top. Après, c'est le manque de receveurs nous a un peu mis dans le caca. Mais moi, contrairement à tout le monde, je pense qu'on a fait quand même une très très bonne saison et on verra pour la suite. Arthur, quel est toi, qu'est-ce que tu penses de cette saison en tout cas et qu'est-ce que tu retiens de cette saison des Patriots? Je retiens qu'on a vu une équipe à deux visages. On a vu, comme Igor l'a dit, la défense qui a été vraiment au-dessus du niveau auquel on l'a vu ces dernières années, avec surtout une secondary qui était vraiment exceptionnelle. On en reparlera de Gilmore. Après, les blessures, beaucoup de blessures qui ont pesé surtout sur l'attaque. Et quand en fin de saison, les joueurs ont commencé à être fatigués, qu'on a commencé à jouer contre des grosses équipes, là ça s'est ressenti. Donc, plutôt bonne saison quand même, avec encore une fois un titre de division, hein, c'est pas n'importe quoi. Mais bien sûr, quand on est habitué à aller au Super Bowl tous les ans, bah, ça change un peu, mais on reste plutôt satisfait quand même de la saison comme Igor. Pierre, toi de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de cette saison des Patriots? Voilà, je vais retenir qu'on y a beaucoup cru au début, hein, comme l'a dit Igor, on a fait un beau départ. Après, les événements n'ont pas joué en notre faveur et ça s'est ressenti tout de suite sur les matchs importants. Après, il y a aussi quelques détails, on peut se rappeler du match des Chiefs qu'on aurait pu gagner. Je pense que ça aurait changé la donne et on aurait pu éviter de tomber face aux Titans et s'espérer un peu mieux, quoi. Globalement, la saison, elle est pas catastrophique du tout. Et toi, Flo, qu'est-ce que tu retiens de cette saison? Juste pour rebondir, ouais, c'est vrai que le TD refusé de Harry contre les Chiefs, il nous fait mal. Aujourd'hui, il nous fait mal. Mais bon. Moi, je retiens que ça ne permet de pas oublier qu'une saison, c'est 16 matchs. Autant vous vous rappelez l'année dernière, on avait fait un démarrage moyen. Beaucoup de fans sur le forum se plaignaient de ah, c'est quoi cette équipe? Et, regardez l'année dernière, on a fini au Super Bowl. Oui, Cette c'est vrai. année, on a démarré sur les chapeaux de roue. Tout le monde nous voyait au Super Bowl et regardez où est-ce qu'on a fini. Donc ouais, une saison c'est 16 matchs et tant que c'est pas fini quoi. Pour rester humble jusqu'au bout. Oui, bah oui, c'est ça. C'est souvent le cas dans les saisons de manière NFL en général. Démarrer trop fort, trop vite en général, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe, étant donné qu'il faut toujours monter en puissance sur les matchs et pour les playoffs, pour vraiment être au taquet pendant les playoffs et non sur les premiers matchs de saison régulière. Mais oui, alors il y a deux. Enfin, effectivement, c'est un peu deux visages du côté des Patriots. On a d'un côté les circonstances où on a les blessures d'Andrews, la blessure de Devlin. Ces blessures-là qui, quelque part, déjà sur le niveau de jeu offensif, bah, ça ressent énormément quand on perd le pilier d'ancrage de la ligne offensive qui fait les appels, les affectations. Ça s'est beaucoup vu cette saison. On a aussi Devlin, le fullback longtemps sous-estimé de la NFL, qui, bah, quand il n'est pas là, bah, c'est une saison toujours très très Ça fait compliquée. très très mal, hein. L'absence de Exactement. Devlin, elle nous a mis dedans. Ah, complètement, l'absence Bah, de Devlin surtout nous que, complètement dans les surtout choux. quand tu t'as pas Devlin et t'as pas Gronk pour bloquer, bah voilà quoi. Il faut Il n'y s'adapter. avait plus personne. C'est ça. Après, C'est on a ça. eu, c'est ça, Gronk. Et Gronk, c'est pas. On peut revenir rapidement, mais l'absence de Gronk, c'est au-delà de ce qu'il était. C'est surtout que même s'il était sur le terrain, qu'il réceptionnait moins de passes, même s'il en réceptionnait, hein, quand on l'a vu sur la fin de saison, quand au Super Bowl, mais les équipes adverses étaient obligées de le couvrir. Donc ça faisait un joueur de moins Ouais. sur les zones. Quoi qu'il arrive, il pouvait pas laisser. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, même si Vous on avez le apporté jouait. beaucoup de solutions. C'est ça, il apportait en tout cas une feinte supplémentaire, même s'il était moins visé, il se laissait pas le droit de le laisser tout seul. Donc ça aussi, ça y jouait énormément. Et après, il y a aussi ces paris que l'on a tentés clairement au niveau des armes aériennes, que ce soit avec Gordon, que ce soit avec Brown. Paris perdu, très clairement. Maintenant, voilà, les Patriots ont tenté, ont essayé de rafistoler rapidement avec un Sanou en donnant un deuxième tour. Ça n'a pas servi à grand-chose. Il y a eu pas mal de. Voilà, les rookies, bah, ils ont eu du mal à Alors, on peut pas s'installer. dire, enfin, Voilà! il y a un ou deux matchs où on ça peut pas nous, il dire fait que du bien. Sanou, voilà, on peut pas dire que Sanou, c'est pas non plus un bust, hein. Non, non, j'ai pas dit Sauver. que c'était un bust. Mais Hein. si tu veux, c'est tenter des Il paris est pour essayer peut-être de. un peu cher, un peu trop Ouais. cher, ce C'est deuxième tour, par rafistolé. exemple. C'est du rafistolage pour tenter deux. Le pari a été. On essaye avec Gordon et Brown pour cette saison. Bah, les deux, on s'est planté, les pattes se sont plantées sur les deux. Bon, ben, merci d'avoir participé. Voilà. Malheureusement, derrière, quand on a tenté de récupérer un Sanou en milieu de saison, quand on connaît la difficulté du playbook et des receveurs rookies, c'est très compliqué. Et puis derrière, bah, tout le monde est dans le doute, les receveurs aussi, les jeunes aussi. Et arrivé ce qui devait arriver. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. Après, moi-même, je me suis posé énormément la question. Se dire, mais est-ce que c'était pas un pari où on testait beaucoup de choses? Et Igor, tu défendais beaucoup ce précepte-là. Ah, ben moi, j'ai toujours défendu ce précepte-là et je continue à le défendre encore aujourd'hui. Mais je pense. C'est ça, pour moi, c'était exactement ce qu'il faisait. C'est que, comme tout le playbook, de toute façon, était acheté, puisque si vous regardez bien, tous les gens avec qui on a perdu cette année, c'est tous quasiment des anciens des Pats. Dans chaque équipe, vous avez un ancien coordinateur, un ancien du staff, un ancien du truc, un ancien du machin. Et vu qu'on a ça fait 10 ans qu'on joue les mêmes jeux, les mêmes trucs, les mêmes appels, vous imaginez bien que les mecs, ils sont maintenant, ils savent comment on joue. Ah oui, c'est mais pour c'est... ça que moi, McDaniel, je voulais qu'il parte. Ah oui, ça, on va y revenir. On va y revenir pendant l'intersaison parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Tant qu'on est sur l'attaque, on va parler un peu de cette attaque des Patriots qui a été au final grandement en difficulté. On parlait du jeu aérien, Arthur. Qu'est-ce que tu retiens sur tout ça entre les paris et puis les rookies qui, pour l'instant, ont eu du mal. Les uns comme les autres, entre des problèmes de tracé, des problèmes de réception. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Arthur, de tout ça? Je vais commencer par le positif. Je pense que Harry a montré quand même des bonnes choses pour l'avenir. Il a joué peu de matchs au final, et les peu de matchs qu'il a joué, on voit qu'il a des capacités. Il arrive à faire des catchs bien physiques, à être bien présent. Alors moi, pendant la draft, j'espérais qu'on choisisse plutôt un joueur comme Metcalf. Après voilà, maintenant c'est fait, on a choisi Harry et je pense qu'on peut quand même avoir fait une potentielle bonne pioche avec lui. Après, pour le reste, Edelman, quand on a vu le nombre de blessures qu'il avait à la fin de la saison, c'est héroïque au final de faire une saison à son niveau. Le problème du jeu aérien, de toute façon, il est couplé avec le jeu au sol. C'est comme la ligne était pas suffisante pour ouvrir des brèches, pour donner aussi du temps à Tom. Pour moi, le gros problème, ça venait essentiellement de la ligne. Et du coup, on n'arrivait pas à trouver les automatismes derrière. Et c'était ça le problème principal de l'équipe cette année. Ouais, je sais pas. Et c'est surtout que quand on parle de Harry, il faut savoir qu'on a quand même le playbook et le plus compliqué de la NFL, les mecs. Hein. On peut pas demander à un Sanou même si c'est un vétéran de la NFL de s'intégrer dès les deux premiers matchs. On peut pas demander à un Harry qui vient de collège, enfin d'université, et de s'intégrer directement dans un playbook où tu as 80 000 appels de jeu, tu as différents jeux différents, pour le même placement, t'as 28 tracés différents. Il faut juste lui laisser le temps d'apprendre un peu aussi. Il faut pas oublier qu'il a été blessé en début de saison. Voilà, il a été blessé, donc il n'a pas pu s'entraîner pendant 8 matchs. Moi, je dis, laissons-leur le temps de se mettre dans le moule, et je suis sûr et certain qu'avec un Amendola qui revient, Sanou, Harry et Edelman, on revient au top, il n'y a aucun problème là-dessus. Flo, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu es aussi confiant que c'était passager, que c'était l'évoquement des rookies qui était un peu difficile cette saison? Ouais, entièrement d'accord. Je m'attendais à avoir plus de rookies jouer et performer, mais bon, c'est le jeu. Après, chaque saison est tellement différente. On verra l'année prochaine. Enfin, on va avoir tellement de surprises, de départs, de free agency, de draft. Enfin, pour moi, chaque saison, tu remets le jeu sur la table, quoi. Tu remets les cartes sur la table. Donc, pour moi, c'est une saison ne veut rien dire sur la saison suivante. Pierre, qu'est-ce que tu penses? Tu es quand même dur, quand même, Florent. Il y a quand même des trucs qu'on peut travailler pendant un temps, c'est pas tout remettre à zéro, justement. Je pense que je suis assez d'accord avec Igor. Regarde, entre l'équipe qu'on a eue cette année et l'équipe qu'on a eue l'année dernière, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été revues dans le système de jeu, dans les joueurs. L'équipe a quand même vachement changé. On avait une dynamique très attaque l'année dernière, là, une dynamique très très défensive. Très bonne surprise sur les jeux spéciaux. Enfin, je sais pas, moi, l'équipe que j'ai eue cette année, pour moi, c'est pas l'équipe qu'on avait dernière. C'est sûr, mais après, c'est compliqué à dire, étant donné qu'on a perdu, on avait perdu le centre tout de suite. Ouais. On avait voilà Gordon plus Brown dans le vestiaire, tout ça. L'absence de Gronk, oui, c'est sûr que ça échange beaucoup. Ouais. Maintenant, c'est difficile de comparer les deux dynamiques. Tu perds ton centre dès le début de la saison. Derrière, ouais. Et tout le bien qu'on peut penser à Karras. Tu reparles de Brown, justement. Brown, je sais pas si vous voulez en parler pendant l'émission, mais c'est vrai que quand il est arrivé, il y a quand même eu les deux effets. L'effet, waouh, putain, on a un putain de joueur. Il y a quand même eu l'effet tout de suite, on a quand même un putain de clown dans l'équipe. Ça va être quoi ce bordel, quoi? Et je sais pas vous, mais moi j'étais tellement surpris et en même temps surpris et déçu de la décision de le prendre dans l'équipe. Pour moi, ça ressemblait tellement pas à Belichick de prendre un mec qui risque de péter l'ambiance, qui risque de péter tout ça. Pour moi, c'était une déception énorme, ce mec. Au final, il a été bien accueilli quand même. Ah, mais est-ce que Tom était très content de jouer avec lui. Il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps de foutre la merde. Oui, après, il a pas eu le temps. La question, c'est parce qu'on a quand même Gordon, donc je pense que s'ils ont pris Brown, est-ce que Gordon il savait déjà pas que c'était déjà terminé? Parce que il savait très bien. Je pense que Gordon, c'était supplémentaire. Ouais. Pour moi, c'est tu le fais venir. Si tu fais venir Brown, c'est que derrière Gordon, tu croyais plus. Parce que c'est je quand pas même. Sûr. Ah, Gordon, non, il a besoin d'être prouvé, protégé. Pas sûr de ça, moi. Ouais, moi non plus. Moi, je suis vraiment pas sûr de ça. Moi, je pense plutôt que Brown, c'était vraiment le mec qui était dispo. C'était l'opportunité. C'est l'opportunité qui a fait le larron, et moi je pense que Brown a été, enfin on en a discuté, mais pour moi Brown a été une des décisions collatérales du cas Hernandez. Les Patriots n'ont pas voulu refaire la même chose qu'ils avaient fait avec Hernandez, donc au premier coup, ils l'ont viré direct, sans chercher à comprendre. Oui. Et après Gordon, ça il a été. Pas avoir... Et Gordon, ça a été pareil. Il voulait pas avoir la même place. Non, Gordon, c'est différent. Gordon, ils lui ont donné une chance, si tu veux. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est. Gordon, on savait qu'il était fautif et. Pendant la saison. C'était compliqué et ils ont essayé juste de lui donner une chance et voilà. Si tu veux, si tu veux, si tu prends Gordon et Brown, Gordon est 15 fois moins, impactant pour la franchise qu'un Brown avec des accusations de viol ou choses comme ça. Ça, je suis d'accord. C'est sûr. Moi, je suis désolé. Moi, un Brown, t'as ça. Tu sais pas ce qui se cache derrière, donc tu le vires directement. Un Gordon, tu sais qu'il lui faut juste c'est une structure. Mais après, il a pas respecté jusqu'à la fin. Mmh. Mais voilà. Mais c'est tu peux pas comparer. Tu peux pas mettre dans le même panier Gordon et Brown en même temps. C'est pas possible. Mmh. Non, mais c'est pas ça. C'est plus dans le sens où justement, c'est pas que j'y mets dans le même panier, mais c'est que. Je crois pas qu'il soit bête comme ça. C'est que Gordon, comme tu le dis très bien, il a besoin d'une structure. En faisant venir Brown, vu que l'autre est quand même un peu fou, t'es quand même obligé de lui imposer cette structure. Et on le voit très bien. Et on l'a gardé les deux sous le coude. Les couver les deux, c'est pas possible. Il faut que c'est un temps plein à en garder un seul concentré et le couver. Donc, de ce point de vue-là, en faisant venir Brown, on savait qu'on se disait, bon, Gordon, maintenant, t'as protégé, on t'a aidé pendant plus d'un an. Bon, mais maintenant, c'est ça. Let's go. Parce qu'ils ont fait venir Brown. On n'aurait pas fait venir Brown, Gordon n'aurait peut-être pas eu tous ces écarts. Alors après, peut-être que c'est lui qui avait déjà fait ces écarts avant, qui avait déjà lâché. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ont tenté le coup Brown. C'est parce que Gordon, en fait, il avait déjà fait ses écarts à l'entraînement. Il venait en retard. Il avait déjà lâché. Donc en faisant venir Brown. Que quand on a pris Brown, Gordon était aussi un peu blessé à ce moment-là. Moi je pense c'est que vrai. C'est. Moi, non, oui, blessé un peu diplomatiquement peut-être aussi. Moi je pense qu'en faisant venir, je sais pas ce que t'en penses Arthur, mais quand ils ont fait venir Brown, pour moi ça a été. Je savais déjà que Gordon c'était terminé. C'était une question de temps. Bon. Moi je suis plus sur de l'avis d'Igor. Je pense que Brown c'était l'opportunité. Ils ont vu, ils se sont dit on peut avoir le futur Randy Moss. On tente le coup. D'ailleurs, le premier match qu'il fait, Brown, lui, il a pas eu besoin d'une saison pour se faire au système des Pats. Hein. Dès son premier match, il a fait plein de catchs. Il était présent partout. Il a marqué un TD. Et on se dit, voilà, il nous a fait rêver en un match. Et ce que Gordon n'a jamais su faire. Moi, j'ai toujours été contre le fait de prendre Gordon dès le départ, parce que je savais que qu'il allait replonger et que ça allait pas marcher. Au final, ça j'avais pas tort là-dessus. Mais pour le coup de Brown, moi je pense qu'il fallait le tenter. Après on a eu raison de le virer tout de suite, parce que comme Igor m'a dit, on pouvait pas se permettre de le laisser avec des telles accusations dans l'équipe. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et puis bon, mais on en reparlera pendant la off-season. Garde-le sous le coude, mais entre des rumeurs, enfin les rumeurs vraies ou fausses, enfin qu'un certain OBJ, j'en dirai pas plus, mais on attendra d'en parler dans la deuxième partie de l'émission, là. Quelqu'un comme ça encore d'aussi fou qui voudrait jouer avec Brady si Brady revient. Est-ce qu'on a déjà tenté des trucs comme ça? Est-ce qu'il faut recommencer? Pas sûr. Alors, évidemment, bon, en tout cas, on a retenté, on a quand même fait venir Sanou, mais bon, c'est toujours très difficile de faire revenir des receveurs, même si Sanou, les Pats le voulaient dès le début de la saison, parce qu'on a su apparemment que les Pats le voulaient dès la draft, et donc, mais ils n'avaient pas réussi à faire flancher les Falcons là-dessus. Comme Brown, hein. Brown, c'était la même chose. Hein. C'est ça, bah, la différence, c'est que t'es les Steelers qui... C'est les Steelers, ils n'ont pas voulu nous lâcher. C'est ça. L'Atlanta n'a pas voulu lâcher Sanou. Donc, tu vois, on voit bien que dès le début de la saison, les Pats savaient, enfin, Kraft et Belichick savaient très bien qu'il fallait des armes à Brady. Donc, tu vois, avec les différents reports qu'on a vus, bah, on sait très bien que dès le début, ils ont commencé à chercher des armes pour Tom. Donc, tu vois, on voit bien que dès le début, les Pats on savait que avec un Tom qui était vieillissant, il lui fallait des armes sûres derrière. Donc, moi, je crois vraiment la saison qui va arriver. Je sais pas pourquoi. Écoute, on verra, mais oui, effectivement, mais après, c'est toujours pareil, t'as beau savoir qu'il te faut des armes à Tom, maintenant, mais je sais, je tease beaucoup la deuxième partie de l'émission, mais lui promet de savoir quelles armes il va avoir, sauf que c'est très difficile de négocier à faire venir des armes, ça reste quelque chose de très compliqué. Alors, on a parlé du jeu aérien, on va quand même parler du jeu au sol. Mitchell. Alors, on se rappelle là sa première saison à Sony Mitchell, qui était plutôt très bonne et plutôt prometteuse. Et on a vu une deuxième saison. Flo, tu vas me dire quel est un peu ton avis, qui était un peu plus compliqué. Alors, dû effectivement à la ligne offensive, mais c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup moins impliqué. Limite, le running back presque titulaire, j'ai envie de dire, c'était plus Rex Burkhead pendant la saison que Mitchell au final. Ouais, carrément, mais je me rappelle tous les commentaires. Ouais, on l'a tous trouvé sous-utilisé, Michel. C'est un peu dommage. Après, je sais pas, c'est le cahier de jeu qui a été comme ça. Burkhead a fait une excellente saison, c'est clair. Ça fait plaisir. Je sais pas trop quoi te dire là-dessus. Ouais, Michel, sous-utilisé, vu que tu lui donnes le ballon, il fait en moyenne, il fait 5 yards, 6 yards, je crois, en moyenne, non? Ouais, c'est ça. Ouais, dans les 5 yards, à peu près. Ouais, donc, bon, c'est vrai qu'on a raté pas mal de troisième tentative, complètement, cette année. Je sais pas. Je pense que Mitchell, c'est celui qui a été le plus impacté par l'absence de Devlin. Autant White et Burkhead ont réussi à sortir des jeux sans trop de blocs, ou en se contentant des blocs des tight ends qu'on avait. Autant j'ai trouvé que Mitchell, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Enfin, c'est... Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi Andrews qui a beaucoup impacté Mitchell. Andrews aussi, ouais. Je sais pas, toi, Arthur, on te voyait aussi beaucoup réagir pendant les matchs toute la saison. On parle toujours de cette fameuse alternance si chère au fan club, jeu au sol, jeu à la passe. Mitchell, on le faisait sur le premier drive et puis après, il disparaissait beaucoup. Donc, est-ce que c'est aussi un choix tactique qui n'était pas très payant, qu'on a beaucoup joué sur le jeu aérien et très peu sur le jeu au sol? Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses, Arthur? Ah bah, pour moi, l'absence de jeu au sol, le fautif principal, c'est McDaniel. Ça, pour moi, c'est clair. J'avais vu passer une stat qui était assez folle. Quand Mitchell était sur le terrain, on courait dans environ 80% des cas. Et quand c'était White qui était sur le terrain, on passait dans 80% des cas. Donc, au bout d'un moment, l'attaque, elle est hyper simple à lire. Dès qu'ils voient les défenses, quand ils voyaient Mitchell sur le terrain, bah, ils mettaient tout le monde dans la boîte. Et il avait à peine le temps de dépasser la ligne de scrimmage et il se faisait plaquer. Alors c'est pour ça que régulièrement, White ou Burkhead, eux, arrivaient à faire des courses qui étaient un peu meilleures que celles de Michel parce qu'ils bénéficiaient de l'effet de surprise. Et puis sur les côtés aussi. Ouais, sur les. Sans voilà, forcément en fait, utiliser des blocs au centre. C'est ça, les meilleures courses qu'on a pu voir, c'était quand la défense s'attendait pas à nous voir courir, donc soit quand on était en shotgun et que le running back partait sur le côté, c'était des jeux surprises. Là, c'était vraiment le playbook, il était simple, hein, c'était premier down, e-formation, Michel qui courait tout droit et ça marchait pas, et ensuite derrière, ben voilà, on a perdu un down et ça, c'était comme ça à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Ça devenait assez symptomatique. Hein. Ouais, mais c'est bizarre. Tiens, Pierre, tu viens de donner ton avis. Bon, on parle du jeu de course, mais en même temps, voilà, Arthur a ouvert la porte sur McDaniel, sur un peu le jeu d'attaque de manière générale. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'on sait qu'on a des problèmes de receveurs. Alors oui, ça a évolué pendant la saison, mais à la fin, on avait vraiment des problèmes de receveurs. Pourquoi on n'a pas forcé justement ce jeu au sol et ce jeu sur les côtés? On a couru, comme le dit Arthur, avec Michel complètement dans l'axe. Ben, on continue, mais on faisait des courses sur les côtés. Oui. Il y a un moment donné, on l'a bien vu ben, la ouais, saison. Il y a un an. Mais Céd, tu peux pas, parce que là, on n'aurait jamais été passé la ligne du scrimmage. Hein. Avec la ligne qu'on avait, si tu joues trois courses, même sur les côtés ou centre, ce que tu veux, les blocs, ils sont pas là. Donc, voilà. Tu aurais rien avancé du tout et on serait mangé que des three and out mais tous les jeux. Ouais, enfin on en a pas. C'est pas possible. Ouais, enfin on a quand même eu beaucoup de difficultés sur le jeu aérien. Franchement, moi j'aurais fait des matchs où bah j'aurais vraiment joué qu'au sol quasiment et voilà parce que ben bah, pour faire grandir Michel, il y a un moment donné quand tu vois que ta saison commence à partir en sucette. Michel, il a un gabarit qui est trop fin. Il est trop fin, Michel, en gabarit. Mais vous savez qu'au final, donc tu peux pas. Vous savez qu'au final, Michel, il fait quand même 912 yards dans la saison, ce qui est 20 yards de moins que l'année dernière. Bon, 3 matchs de plus joués quand même. Mais bon, avec 3 matchs de plus, il a fait autant de yards que l'année dernière. Donc, même si pas, bon, il a été moins efficace, en réalité, mais dans les stats, c'était pas si mal comme saison. Oui, ah oui, non, bien sûr. Alors après, il y a tout qui joue, hein. L'absence de menace aérienne sur les receveurs, l'absence de tight end aussi au niveau de comment dire, de tight end, voilà, qui fait que bah t'as plus de menace, t'as Lacoste. Enfin, clairement cette année, on va pas dire qu'on a eu des tight end, hein. On va pas se le cacher, monsieur. Non, clairement pas. De ce côté-là, donc c'est vrai que c'était difficile. Comment, sans trop spoiler un peu votre avis sur la off-season, mais la fin de départ et tout, t'en as un peu parlé toi Igor, mais j'ai un peu Arthur, j'aurais que tu notes ton avis, comment tu notes de manière générale la saison de McDaniels au final? Comment il a géré tout ça? En tant que coach, avec toutes les difficultés, comment tu le juges sur tout ça? Pour moi, on arrivait à la fin d'une ère. Avec McDaniels, les jeux deviennent trop téléphonés. À chaque fois, voilà, on sait d'avance ce qui va se passer. C'était la grosse déception de l'année. J'ai rien de positif à noter sur McDaniels quand j'y pense cette saison. Donc je pense que voilà, c'est pour moi, il faut passer à autre chose. Ouais, il faut passer à autre chose, sauf que c'est autre chose, il faudra attendre un an potentiellement, parce que McDaniels est toujours là. Bon, ben, moi j'ai un avis sur McDaniels, c'est que j'ai l'impression qu'il est capable de gérer une très bonne équipe. S'il a des bons joueurs pour exécuter son playbook, ça va très bien. Mais par contre, quand on est un peu en difficulté, il a beaucoup beaucoup de mal à s'adapter. C'est ça. Ouais, enfin, bah oui, non. Bah, c'est à partir du moment où t'as les meilleurs joueurs avec machin, oui, il va se débrouiller, mais c'est là aussi ouais, tout le talent du coach. Pas forcément, il y a des coordinateurs qui arriveraient pas à travailler avec que des très bons, avec des stars. Oui, c'est sûr. Aussi, c'est autre chose, c'est compliqué aussi. Et je pense que McDaniels le fait très bien. Si tu lui donnes des armes de malade, il va réussir à faire quelque chose de dingue. Mais dès qu'il a des grosses difficultés de ressources, enfin de joueurs, bah du coup il s'adapte très mal. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi ce qui me gêne, parce que si vous regardez bien sur les derniers matchs, il lance quand même des trick plays de malade quand même, hein. Des trucs qui marchent à tous les coups. Donc c'est pas qu'il je trouve pas qu'il n'arrive pas à gérer l'attaque. C'est qu'en fait, il est trop si on regarde contre ceux quand on a perdu cette année, c'est comme ceux qu'on a perdu l'année dernière, c'est des gens qui connaissent la maison, ils connaissent les appels de jeu. En fait, moi je pense que cet homme qui là cette année aurait dû changer totalement ses appels de jeu, trouver d'autres façons d'appeler les jeux, d'autres codes, d'autres mouvements qui auraient justement mis les défenses en doute. Parce que là, un Vrabel, il a joué énormément de temps avec Brady. Brady va lever le petit doigt, il va savoir exactement ce qu'il va en faire. Et dans les sessions de vidéo que les gens ils se font, mais ils font que ça, ils cliquent, ils savent très bien que s'il lève le doigt gauche, ça va faire ça, s'il lève le doigt droit, ça va faire ça, si Edelman part en motion, c'est pour ça. En fait, moi sincèrement, je pense que c'est sur cette offensive zone là, il faudrait que Brady ne skip pas les OTA, qu'il lui participe pour pouvoir vraiment développer ses nouvelles compétences avec ses nouveaux joueurs. Brady, c'est compliqué. Moi, j'ai une perception de Brady, en fait, c'est que t'avais le Brady à une certaine époque, il faut remonter quelques années en arrière, où justement, qui faisait un peu grandir, c'était un peu la force de Brady, faire grandir certains joueurs qui étaient un peu plus méconnus, et t'avais l'impression que du jour au lendemain, certains receveurs étaient des monstres, et quand ils partaient, ben, en fait, tu te rendais compte qu'ils mettaient pas un pied devant l'autre. Donc Brady avait cette force-là. Aujourd'hui, moi, mon impression, et c'est pour ça, et Igor, que je pense pas que Brady fasse cette, et c'est en tout cas l'impression que ça me donne sur le futur des premiers échos qu'on a, c'est pas à Brady de s'adapter, c'est d'avoir maintenant Brady, il est là où il est là-haut, il veut gagner tout de suite, il veut plus avoir des joueurs qu'il tire vers le haut, preuve en est cette saison, il veut des joueurs prêts, des joueurs rodés, des joueurs avec de l'expérience, des joueurs bons, voire très bons, et il veut gagner. C'est pour ça qu'Amendola, il faut qu'il vienne. Ça. Moi, je milite pour qu'Amendola revienne. Ah, ouais, mais... Moi, j'adorerais aussi. Moi, je milite pour qu'Amendola revienne parce que ils se sont tellement entraînés avec Amendola, Edelman et Brady. Ils se sont tellement entraînés ensemble. Ils ont tellement développé. Parce qu'en fait, ce qui fait que qu'Edelman soit aussi bon avec Brady, c'est cette alchimie. C'est que les mecs, ils savent très bien où ils vont se placer. Ils savent très bien que s'ils lancent la balle à cet endroit-là, pour Edelman, bah, l'Edelman sera là parce qu'il sait. Amendola, je suis sûr et certain qu'il ferait pareil. Et il faut qu'Amendola revienne l'année prochaine, c'est sûr et certain. Je suis prêt à lancer un fundraiser. Ah, c'est possible, écoute. Ça, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais écoute, pourquoi pas. Ça ferait sens. Maintenant, est-ce que on fait du neuf avec du vieux? Bon. Pourquoi pas? Est-ce que ça sera suffisant? Ça nous a toujours. Enfin, faire du neuf avec du vieux, on peut parler un peu de la draft. On fait toujours mieux avec du neuf qu'avec du vieux. Nos choix draft sont pas. Voilà. Allô, Igor? Oui, on a perdu Igor. On a perdu. Ça, il a parlé de la draft, il allait trop loin dans le futur. Avec notre cher ami. Ah, on te perd, hein, Igor. T'es parti trop loin dans le futur. On te perd. C'est la même chose. T'es parti dans le futur, on a eu du mal à t'entendre. Reviens en arrière, Igor. T'es parti 5 minutes. T'es parti 10 minutes en avance quand on va parler de Gilmore. Reviens avec nous. On y arrive. Ah, bien. On y arrive sur Gilmore. Non, mais on va en parler. D'accord. On va en parler dans quelques minutes, évidemment, de Gilmore et de la défense. On le gardait pour la fin par rapport au bilan un peu de cette saison de manière générale. Mais avant, donc bon, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour de l'attaque. À part chez messieurs, vous voulez aborder un sujet spécifique encore du côté de l'attaque? Sinon, on va aborder le côté spécial team. On va peut-être faire un petit retour sur les commentaires qu'on a rapidement. Oui, si vous avez des commentaires sur le chat YouTube, on a des avis sur les coureurs, comme quoi ce serait pas totalement de leur faute non plus. Ah, mais je pense pas non plus. Sur la saison, voilà, bon, c'est globalement ce qu'on a dit. Quelque chose que j'allais dire et qui a été dit dans les chats, et du coup, j'ai pas eu le temps de le placer, c'est quand même qu'Harry a pas eu totalement sa chance. Enfin, il a eu des chances de jouer, mais ses entrées sur le terrain, elles ont été gérées, globalement, il est pas rentré tout le temps, donc on l'a pas vu tant que ça pour se faire un avis. Non, par contre, on l'a vu un petit peu, enfin, on l'a vu quand même pas mal dans certains appels, c'est qu'Harry, en red zone, ça va être une vraie, vraie menace en disant, bon, ben voilà, on sait qu'il est très bon sur l'homme à homme en termes de réception de ballon. Et c'est vraiment un appel où Harry court vers l'extérieur, vas-y que je te la lance en cloche et va la chercher, quoi. Sur des jeux de ouais, red il est, zone. Donc il est très bon dans les catchs dans le trafic. Il a un peu du mal à se démarquer, mais il arrive à faire le catch, même avec le defensive back sur ses talons. Donc en red zone, ça peut être intéressant. Oui, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant sur l'avenir. Après, je pense qu'on l'a pas évoqué parce que c'était en début de saison, mais quelqu'un qui nous a énormément manqué au niveau du coaching, ça a été Chad O'Shea, parce que coach des receveurs et de la red zone, on a vu que cette année en red zone, on a eu beaucoup beaucoup de difficultés. Ah ouais, la red zone cette année. Très clairement, je pense que cette absence nous a fait beaucoup de mal. On aurait espéré qu'il revienne pendant cette dernière saison. Malheureusement, il va faire coach du receveur et de la red zone aux Browns. C'est pour dire à quel point je pense qu'il doit y avoir du rififi entre McDaniels et Chad O'Shea pour que ce dernier ne revienne pas aux Patriots, à mon avis. Pour faire en plus un job de receveur et de red zone qui les faisait aux pattes. Mais bon, ça, ce n'est que ma pure interprétation et pure spéculation. Avant d'attaquer la défense, qui est quand même une grosse désatisfaction de la saison, on va faire quand même un petit clin d'œil, parce qu'on en parle rarement et ça serait bien aussi de les mettre en exergue. C'est les équipes spéciales. C'est les équipes spéciales où, alors, on va parler déjà de la grosse satisfaction. D'abord, le punter, Arthur. On a quand même eu un gros changement au début de la saison. Les Pats ont changé de punter pour un rookie drafté très haut au niveau des punts. Arthur. On peut dire que là, pour le coup, c'est extrêmement bien joué de la part de Bill. Ah bah alors, moi j'étais vraiment très sceptique quand on a drafté un punter, parce que au final, Ryan Allen, je le trouvais pas mauvais. Enfin surtout quand Florent, ça va être le mieux placé pour en parler parce qu'il était au Super Bowl, mais Ryan Allen fait un excellent Super Bowl. Oui, il était très bon. Donc le laisser partir après ce match-là, j'étais un petit peu circonspect, et quand on voit la saison finalement de Bailey qui était pour moi le meilleur, peut-être le meilleur rookie de l'équipe, hein, au final, j'étais vraiment très très satisfait de ce choix a posteriori. Oui, c'est vrai que ça, pour le coup, le punter, sa capacité à dégager le ballon extrêmement loin nous a sorti quand même, même si voilà, au final de la saison ça s'est pas porté payant, mais ça a quand même devenu une vraie vraie arme au niveau des punts. Donc ça, vraiment, c'était une énorme satisfaction. Igor, une note des satisfactions, c'est quand même sur les équipes spéciales. Ah, c'est vraiment, vraiment, en termes de blocage d'équipes spéciales, notamment sur les punts, qu'est-ce qu'elle est costaud, cette équipe menée par le capitaine, des Pats. Oh loulou, ça a été costaud. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Igor. Moi, les unités spéciales, elles m'ont fait rêver cette année. Elles m'ont fait rêver de chez rêver. Mais ça fait quand même 2-3 ans que c'est comme ça, hein, qu'elles sont vraiment au top. Si vous regardez, par exemple, l'année dernière, je me rappelle d'un match contre Chicago où, moi, Patterson, qui soit parti, moi, ça m'a un peu fait mal au cœur, parce que le retour de punt, je sais plus si c'était un punt ou un kick-off, qui nous fait contre les Bears, il nous a fait 2 ou 3 fois la même chose cette année chez les Bears, justement. Moi, cette unité spéciale menée par, j'adore. Moi, ils m'ont fait rêver. Ça fait 3-4 ans qu'ils me font rêver. Et qui, pour moi, c'est la meilleure escouade après l'attaque qu'on a eue sur ces 2 dernières années. Oui, C'est vrai que là, pour le coup, l'équipe spéciale, ça a été vraiment, sur cette équipe-là, vraiment une des forces. Alors, maintenant qu'on a le départ de Judge, est-ce que c'était lui qui faisait tout? Est-ce que c'était son assistant? Il y a beaucoup de discussions qui traînent, en tout cas, au niveau des insiders, de tous les connaisseurs qui sont un peu plus en interne de ces connaissances-là. Bon, enfin, les insiders, moi, j'en ai un peu marre. Les insiders qui ne connaissent rien. Oui, évidemment. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'informations, des discussions en disant que c'était plus son assistant qui faisait le taf que lui. Bon, à voir. Mais en tout cas, il va y avoir du changement en équipe spéciale. Qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? Ça, c'est à voir de ce côté-là. Donc, c'est vraiment des choses qu'il va falloir que l'on va suivre du côté de la off-season. Et bien sûr, le gros sujet de cette équipe spéciale, c'est le kicker avec la blessure de Ghost. Ça a été un gros point, Pierre. Qu'est-ce que tu retiens un peu de tout ça, de ce côté-là? Bah, j'en retiens qu'au global, on s'en est pas si mal sorti, hein, parce que même si on a eu des ratés, ceux qui ont remplacé Ghost au fil de la saison, en tout cas, ça n'a pas eu d'impact pour moi sur les résultats de la saison. Donc, on peut pas dire qu'on ait perdu un match à cause du kicker. Non, au final, non. Donc, on s'en sort pas si mal et espérons qu'il revienne à son meilleur niveau. Moi, je suis pas d'accord. Je prends juste l'exemple du match contre les Titans. Si on avait confiance en notre kicker, on aurait gagné ce match. Ah, peut-être que, ouais, je pensais tout de suite. On perd le match d'un point. Ouais, avant, tu veux dire avant l'interception. Ouais, j'avais pas pensé à l'aspect. Si on avait Ghost dans l'équipe, contre les Titans, on aurait jamais perdu ce match. On l'aurait jamais perdu. Jamais perdu, ouais, peut-être pas. Non. Mais c'est vrai qu'il y a je sais plus, c'est un ou deux points avant l'interception de Tom sur la dernière action du match. Donc, on va dire que c'est anecdotique. Si on avait vraiment Ghost dans l'équipe, je pense qu'on aurait tenté plus de kicks, même des 50-51 yards. Hein. C'est vrai. On aurait essayé d'y aller. Ça comme ça. Et moi, je suis sûr et certain que ce match-là, on l'aurait gagné. Mais après, ce n'est que ma vision des choses. Non, mais t'as peut-être raison dans le sens où, même sur les matchs d'avant, maintenant que tu le dis, il y a des moments où on a été tenté des quatrièmes, au lieu de prendre le kick. Et il y a des moments où ça aurait fait du bien de mettre un kick longue distance où on les a pas tentés. C'est vrai. Après, de là à dire qu'on aurait gagné à sur les matchs d'avant, les Titans. Ouais, c'est peut-être plus marquant sur les matchs d'avant. Je suis moins sûr que toi sur le coup pour les Titans. Ouais. Pour moi. Non, moi non plus. Et on est avec un point. Il y avait qu'un point de différence quand même. Ouais, mais t'as pas. En fait, si tu veux, t'as pas cette confiance-là que t'avais sur Ghost. Moi, de toute façon, tout le monde critiquait Ghost avant qu'il se blesse. Moi, j'étais un de ses plus fervents supporters. J'étais à chaque fois, je me suis démonté la tête. Et lui, au moins, on pouvait, si tu veux, il avait cette pression, il savait quelle était la pression, et il savait gérer cette pression-là. Folk, je suis désolé, il savait pas gérer cette pression-là. Mais je te dis, si sur le dernier match des Titans, on avait eu le Kotkowski, je suis sûr et certain que ce match-là, on l'aurait gagné. Oui. La qualité principale d'un kicker, c'est le sang-froid, hein. On l'a vu avec Vinatieri et avec Ghost. C'est pas de savoir mettre des kicks longue distance ou la précision, c'est de pas craquer dans les moments importants, et c'est vrai que pour ça Ghost nous faisait du bien. Ouais. Oui, ça c'est sûr que ça fait partie de ces trucs là, de cette menace qu'on en a souffert à un moment donné pendant la saison régulière, qui fait que on s'est dit, bon, les équipes adverses voyaient que Ghost n'étant plus là, qu'on avait des difficultés, donc qu'on était obligé de tenter des grosses actions pour avancer au lieu de se dire bah on prend que les 3 points avec Ghost. Bon, ça, je pense pas que c'est y jouer, parce qu'au final, quand même, merci à Nick Fold, parce que voilà, c'était pas mal. Donc, il a quand même réussi à faire en sorte que ça se connecte bien. Donc bon, c'est pas. De toute façon, il va revenir normalement Ghost la saison prochaine. Donc déjà de ce côté-là, on devrait être un peu plus tranquille au niveau des équipes spéciales, en tout cas. C'est ça. Sur à quel niveau aussi? À quel niveau? À quel niveau? Ah ouais, non, mais il y a énormément de choses. Il vieillit aussi, et c'est sa deuxième saison blanche. Alors, est-ce que c'était en 2013, je pense, la première fois où il s'était blessé pour la saison qui est finie en injury réserve? Voilà, ouais. est-ce que ça va pas être encore un joueur pour lequel faudra penser à l'avenir en faisant comme avec le punter Bailey? Est-ce que Est-ce qu'il faudra pas se pencher sur un kicker à la draft pour envisager la pré-Ghost? Moi, je suis un peu de cet avis parce que j'étais vraiment, enfin, la pré-saison, même si ça reste qu'une pré-saison, ça m'a fait peur. C'est possible. Il était déjà blessé. Hein. Ouais, il était déjà blessé. C'est possible. Moi, j'ai quand même peur qu'il revienne pas à son niveau. Mais... Moi, je pense qu'effectivement, à la draft, ça serait bien de prendre un kicker, ouais, pour le jouer en termes de menace. Le problème, c'est qu'on a besoin de la draft pour plein de... pour en parler, mais... Attends, on va passer un coup de fil, on va prendre 50 tours, ça devrait aller. Moi, je suis pas d'accord. Justement, la draft, pour moi, je pense qu'on pourrait la skipper tous les ans, ce serait un bonheur. Alors, le deuxième tour, je suis d'accord, parce qu'on est quand même, là, pour le coup, au niveau de malédiction, on est plutôt pas mal, mais le reste, quand même, mince, il faut juste qu'on arrive à s'améliorer, quoi. Mais bon... Ça, on va rediscuter un peu dans la deuxième partie de l'émission, justement, sur cette, cette draft, sur tout ça. Il y a pas mal de choses à dire. Allez, on va avancer, messieurs, où on va attaquer sur la défense. Et il y a justement une personne qui nous a rejoint, qui reprend l'émission. Évidemment, c'est notre président qui va parler. Je suppose qu'il doit l'avoir sur le dos. Président, bonjour. Est-ce que tu peux dire quel maillot tu as sur le dos, s'il te plaît? Let's go, les amis. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bah, yes. C'est cool. Elle devine qui j'ai sur le dos, ma foi. Défenseur de l'année, qui tu veux que ce soit. Du Ron. J'ai hésité entre les deux. Finalement, j'ai mis Stéphane. Yes, les gars, ça fait plaisir de vous entendre. Salut à toutes et à tous. Salut, salut. Allez, président, parle-nous de Gilmore. Pour commencer, quand même, sur cette défense et le défensif player de l'année. Parle-nous-en un peu de sa saison. Ah, on attaque. En attaque directe avec... Bah oui, il faut quand même y faire honneur. Avec le fameux Stéphane. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est-à-dire qu'il y a un an, quasi jour pour jour, tu sais que je vivais, on en a assez parlé ensemble, le meilleur moment de ma vie de fan grâce à une interception de Gilmore. Depuis, je voulais son maillot, je l'ai obtenu dans l'année, il termine l'année meilleur défenseur de l'année. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. C'est-à-dire que, surtout... Rappelez-vous, on en a parlé sur la page. Rappelez-vous ce qui a été dit quand on l'a signé, quoi. Les premiers matchs, c'était un tollé. Tout le monde disait, mais c'est quoi cette signature? Bill n'est plus que l'ombre de lui-même. Encore une erreur monumentale. Ça fait 20 ans qu'on entend ça, quand même. 100 ans, quoi. Donc même si notre saison, vous en avez parlé jusqu'à maintenant, elle est, bien sûr, il y a plein de points négatifs. On peut pas dire que notre défense, c'est un point négatif. Et on peut pas dire que Stéphane, il soit pour quelque chose par rapport à cette mauvaise année. Donc, non, c'est une année exceptionnelle pour lui. Et puis, pour notre défense en général. Donc, c'est super. Je suis très content et je vais te dire un truc. Je trouve que ça sauve un peu la saison, quoi. Ce titre de meilleur défenseur de l'année, il me fait tellement plaisir, en fait. Et puis c'est le premier de l'histoire des Pats aussi. Tout à fait. Et ça, c'est quand même un beau symbole, je pense, pour sa défense des Pats, parce qu'elle a fait une très très grosse saison. On peut nativement rien lui reprocher, parce que elle n'a pas été aidée par l'attaque, donc elle a été beaucoup sur le feu. Donc évidemment, à un moment donné, les autres équipes en face, savent l'analyser. Hein. Elle n'en a pas non plus une défense qui est complètement illisible et qui a arrêté toutes les équipes. Donc à force d'être tout le temps sur le grid, effectivement, les équipes arrivaient à le lire. Mais sinon, cette année, on avait une vraie défense pour aller gagner le titre. Que ça soit, alors on peut revenir sur effectivement peut-être un peu de pass rush et tout. Mais en tout cas, en termes de stop défensif, on a quand même eu de belles choses. Pierre, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu retiens un peu de cette défense qui est quand même une grande satisfaction de la saison en tout cas? J'ai du mal en fait à en tirer des points négatifs. Un plaisir fou à voir cette défense évoluer, en particulier en début de saison. Allez, un point négatif peut-être sur la défense du jeu de course. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, Arthur, qu'est-ce que toi t'en penses justement sur le côté un peu défensif? Sur le jeu de course, peut-être, et encore. Ouais, bon, globalement, faut pas faire la fine bouche. Hein. Ouais, non. Une grosse défense. Je me souviens. Ouais, mais tu sais, Arthur, que la fine bouche, les supporters des Pats, en ce moment, c'est un peu ça, quoi. C'est bien le problème. C'est ça, exactement. Enfin, voilà. Non, mais faut retenir qu'on a eu une défense qui a joué un très très haut niveau. avec Gilmore, moi je suis très content comme le presse, parce que dès ses premiers matchs, je faisais également partie des rares personnes à dire c'est attendez, vous êtes... On était peu, et je confirme. Ah ouais, je me souviens, on leur disait, vous allez vous en mordre les doigts, vous allez voir dans quelques saisons le niveau qu'il aura, et enfin voilà, c'était vraiment un très bon investissement. Et surtout que c'est Bill, il achète rarement des il paye rarement cher des défenseurs, donc s'il le fait, le mec il est un peu sûr de lui, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était un super deal en free agency, et voilà, il y a aucun regret à avoir sur ça. Le reste de la défense, hein, elle a été bien portée, en fait il a réussi à emmener tout le monde, tirer tout le monde vers le haut. On a eu d'autres corners, Jesse Jackson, qui ont montré un bon niveau. Les safety ont tous été plutôt bons. Même Harmon au final est pas, enfin a fait pour le peu qu'on... deux non, mais honnêtement oui mais je trouve qu'en tant que remplaçant, en tant que mec, tu vois vachement moins qu'avant, ça passe quoi. Ça va encore, moi ça me dérange pas là, c'est pas beaucoup. En fait, quand il joue à 3 safety avec Chung et Dimac, Harmon arrive à bien se positionner du fait qu'il soit assez rapide quand même et à faire quelques jeux de temps en temps. Le système des pattes est bien fait pour lui au final. Puis on peut pas lui enlever que quand même le mec il sait, alors il est pas forcément dans le tacle, et je l'ai souvent critiqué pour ça, parce que tu regardais à chaque fin de match, tu regardais le nombre de tacles de chaque défenseur, il était tout le temps dans les derniers, j'en pouvais plus de ça, parce qu'à un moment donné, en tant que defensive back, tu dois quand même un peu taper de temps en temps, quoi. Mais avouons qu'il intercepte souvent, donc en fait c'est pas un vrai tacleur, en réalité il est plutôt dans le placement, il essaie d'intercepter. Il a une bonne lecture. Voilà, il a une bonne lecture, donc ça je peux pas lui enlever. Donc le fait qu'il soit, quand ils sont trois sur le terrain et lui finalement les deux qui frappent et lui qui lit un peu, bah finalement ça marche pas trop mal, j'ai trouvé. Et autre joueur qui a été monumental cette année en défense, c'est Jamie Collins. Claire. Voilà, c'est le retour. Attends, je change de maillot. Ah, ouais. Peu de gens s'attendaient quand même à un retour à ce niveau-là. Il était, sa saison, il était même peut-être au-dessus du niveau qu'il avait avant de partir. Il était vraiment une très très bonne surprise. Ah oui, ça pour le coup, c'est vrai que Collins, ça a été une énorme satisfaction. Mais par contre, tiens, Igor, c'est vrai que... ou alors c'est moi, rappelez-moi, mais il me semble qu'au début du match, Collins face aux Titans... il n'était pas impliqué du tout, voire il était un peu benché. Après, il est revenu en force pendant le reste du, un peu, il est revenu dans le reste du match, Igor. Mais au début, il y a eu quelques doutes parce qu'il me semblait que Collins n'était pas aligné au départ dans ce match. Il me semble, non, Igor? Stratégique. C'est-à-dire? Moi, c'est stratégique. Ils ont voulu essayer quelque chose et ça n'a pas marché. Donc, ils l'ont fait revenir. Collins, oui, il n'était pas aligné. Collins est très bon, surtout contre la passe. Hein. C'est un linebacker qui fait pas mal d'interceptions, qui est bon contre les tight ends. Donc, je pense le fait que les Titans ont un jeu qui est à 90% orienté sur la course, on avait peut-être voulu renforcer plus au centre avec des joueurs comme Roberts. Et au final, pour arrêter Henry, il faut bien que ton centre soit même là. On va pas réussir à l'arrêter. Hein. Ouais, voilà. Et pour arrêter Henry, il faut y aller, quoi. Ouais, voilà. Et là, c'est là où Pierre le disait, peut-être que la défense contre la course, la ligne intérieure, on sent qu'il y a plus un bon gros comme Will Fork qui était là pour boucher les trous, et c'est peut-être la seule chose qui manque à cette défense. Tiens, je vous coupe, messieurs, avant de continuer le débat. On a quand même oublié une chose, parce qu'on s'inquiète pas, on continue notre débat, mais Presse, tu vas bien? Benoît nous le fait remarquer. Tu as dit du bien d'Harmon, tout va bien. Enfin, on est inquiet quand même. T'as dit du bien d'Harmon, on est tous inquiets. Donc, tout va bien. Ah non, on l'a perdu. C'est bien ce qu'on pensait. Il a dit du bien d'Harmon, il nous a fait un malaise. C'est ça. On l'a bien senti. Il va revenir dans quelques instants, mais je pense qu'on l'a perdu là. Il a dit du bien. Vous m'entendez ou pas là? Ouais, c'est bon, on t'entend. Ouais, bon. Non, je disais en début de saison, Cédric, je sais pas si tu te rappelles, on a fait une émission ensemble où je te disais que toute façon, à partir de maintenant, c'était que du bonus. On a 6 titres. On venait d'être encore une fois champion de titre une saison où, honnêtement, on pensait pas la gagner. On pensait pas gagner le Lombardi l'an dernier. Donc, tout était bonus. Et que même si on n'allait pas au Super Bowl, finalement, c'était pas si grave. Donc, si tu veux, j'étais dans une phase tellement positive qu'en fait, j'ai envie de continuer là-dessus et j'en deviens sympa avec Harmon. Voilà. Oh là là là là. Magnifique. Extraordinaire. Il ne vous branchez pas sur Logan quand même, faut pas déconner. Ah, mais il a dû te faire plaisir. Tiens, le Logan en match face au Chiefs, c'était assez phénoménal. Non, mais en tout cas, voilà, pour en revenir de manière globale sur cette défense. Non, juste, j'ai à Cédric, vous parlez de la défense. On ne peut pas parler de cette magnifique défense cette année sans pas aborder Jerod Mayo. Ah, ben oui. Mais alors, je vais dire même le duo, parce que c'est Jerod et Belichick Fils, parce que je pense que c'est les deux, c'est Jerod, je pense que c'est les deux. D'un côté, Jerod qui a fait qu'aussi Collins est redevenu ce qui était Collins en niveau des linebackers. Ça a hyper bien connecté, je pense, avec Hightower aussi. En tout cas, oui, le duo que l'on a au niveau de la défense et les appels de jeu de Belichick Fils, je pense que c'est vraiment, vraiment pas mal, Pierre. On a quelque chose de plutôt intéressant à voir sur la saison 2, ce que ça va donner en termes de confirmation, mais c'est plutôt pas mal. Mmh. Ouais, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé que ça s'était bien passé. Après, on n'est pas sur le banc avec eux, mais j'ai bien eu l'impression quand même que c'était plus le duo que Mayo seul, quoi. Ah, complètement. Mais les appels de jeu, c'était le fils de Bill qui les appelait, hein. C'était pas Jerod. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est ce qui me fait dire que Mayo n'est pas le seul responsable de la réussite de la défense. Alors... Ah non, mais c'est sûr que Mayo n'est pas le seul. De toute façon, t'as Belichick qui finalement possède le talent. Alors, je sais pas, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on va dire la fibre Belichick. Et puis, t'as Mayo qui est un ancien joueur qui connaît parfaitement la maison et qui surtout connaît le terrain. Le mec, il a joué avec les joueurs qui sont sur le terrain, quoi. Il a joué avec Hightower et compagnie. Donc, je pense que c'est l'association des deux, le côté tactique et le côté associé au côté technique de Mayo qui marche bien, quoi. Alors, j'ai une question pour vous, messieurs. Est-ce que là, on parle effectivement que le duo a été plutôt bon, mais est-ce que du coup, ils n'ont pas aussi marché complètement dans le travail de ce qu'a fait l'ancien coordinateur défensif des Pats qui est parti en head coach à Miami, suivez mon regard, qui a énormément contribué à la victoire au Super Bowl, rappelons-le. Et donc, est-ce que c'est pas juste marcher complètement dans ces pas-là qui fait que la défense marchait, j'exagère peut-être un peu, marchait toute seule. Et c'est peut-être là qui fait que aussi ça a marché peut-être bien, et c'est surtout en saison 2 qu'on va voir si ce duo fonctionne à fond, parce qu'il y aura beaucoup plus de choses à créer et à remettre en place, notamment avec la free agency dont on parlera tout à l'heure, qu'autre chose. Je sais pas ce que t'en penses, Igor, avant de passer au gros sujet dans la suite de l'émission. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, je pense que cette année, c'est vraiment l'addition des forces qui ont fait que la défense était aussi top. Après, à voir si la saison prochaine, ça, parce que là, on peut pas parler de la défense sans parler de la free agency, parce qu'on perd quand même 6 à 7 gros joueurs qui sont free agents. Donc je pense à Van Noy, je pense à Hightower, je pense à McCourty, je pense à Slater. On a énormément de free agents. Donc là, moi, je pense qu'on va passer sur une année qui va être très, très, très charnière. Donc ça va être un grand chamboulement. Allez, tu me tends la perche, Igor, tu parles de free agency. Bah écoutez, messieurs, on se laisse quelques toutes petites secondes, juste le temps d'un générique, et on attaque la deuxième partie d'émission. La off-season, la free agency, et on va surtout parler tout de suite, parce qu'il y a énormément d'infos qui tombent pendant qu'on parle, du gros dossier d'un certain numéro 12 chez les Patriots. « Alors, il est temps d'attaquer le gros, gros dossier de cette émission. Tout ce que les fans attendent, tous ces sujets, tout ce débat, toutes ces questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir en commentaire. Et ça va, on va, évidemment, cette émission a une durée limitée, mais continuer après à discuter, après l'émission, etc. On va parler évidemment de Tom Brady. Il est temps d'attaquer ce gros sujet, messieurs. Tom Brady étant, alors, on va dire free agent pour que ça soit simple. En tout cas, il peut sortir de son contrat au niveau des Patriots. On va essayer de donner les informations essentielles. Donc, Tom Brady peut sortir et devenir free agent cette saison. S'il sort côté chiffres, ça fera quand même aussi de noter un dead cap, c'est-à-dire une, en gros une pénalité à charge dans les finances des Patriots de 13 millions de dollars, ce qui est aussi important et ce qui peut jouer aussi notamment du côté des Pats, donc c'est important de ce côté-là. De tout, si Brady, alors j'ai plus la date exacte, mais mi-mars ne se prononce pas qu'il attend après un peu la draft, le début en tout cas de la free agency, même si re-signe chez les Patriots, ça va pénaliser aussi de 13 millions les Pats. Donc potentiellement, il y a une news qui peut tomber avant le début de la free agency, de telle sorte que ça ne pénalise pas les Pats. En tout cas, si Tom re-signe. On a eu là, pendant, juste avant le début de l'émission et pendant l'émission, pas mal de news, comment c'est d'insider qui ont commencé à popper. À vrai ou faux, vous allez me dire après un peu, chacun, messieurs, votre position, notamment sur Tom. On a Rapoport qui évoque, en tout cas, que les Pats mettraient 30 millions de dollars sur Tom Brady, en tout cas, lui proposerait, si les Chargers, pardon, serait capable de lui proposer plus, et du côté d'Adam Schefter, il annonce carrément que ce sont les Raiders qui sont très très forts sur le sujet au niveau de Tom Brady. Alors, on va passer aussi tout ce qu'il y a eu dans ces dernières semaines, où on l'a vu parcourir absolument tous les États-Unis la prochaine. Je crois qu'il est prévu qu'il aille du côté de Toulouse la semaine prochaine aussi, potentiellement. Alors, on ne sait pas, ou même du côté des Grizzlies catalans. Enfin, voilà. Mais Cédric, tu te rappelles, sur ma page du Psychopathe, j'ai résumé. Il a acheté une maison à Las Vegas, son fils va à l'école dans le Tennessee, sa femme et sa fille sont à New York, ils ont acheté une maison dans le New Jersey, et lui, il va jouer chez les Dolphins. Ah, pardon. À un moment donné, ça va poser un problème hein, pour l'organisation, tu sais, tout ce qui est logistique. Écoute, c'est possible, mais comme tu as des infos, on sait jamais. Donc peut-être que tu as raison et que c'est finalement, on s'est trompé, il va signer au Bills. Bon, ben voilà, on n'était pas ouais, très voilà, bon. C'est la même division. Donc, alors, bon, bah, Pedro, tu sais, moi j'ai l'habitude de Bills. Ouais. C'est bien pour ça que j'ai dit les Bills. Horrible. Petit clin d'œil dans l'histoire de Tropezzo qui est parti à un moment donné au Bills. Il a fait chier, ça fait Bills. Voilà. Ancien quarterback des New England Patriots. Tu aimes me faire mal. Allez, messieurs, Igor, on va commencer par toi. Tom Brady, dis-moi un peu ton ressenti, ce qu'il va faire, ce que tu penses de tout ça. Et aussi, notamment, on va le faire en plusieurs parties déjà du côté de Tom, et après, on va faire du côté des Patriots, qui serait bon de faire pour les Pats vis-à-vis de cette situation avec Tom Brady. Igor, Tom, pour toi, il fait quoi avec toutes ces news que l'on entend, etc. Est-ce que toi, tu en penses? Moi, j'en pense que Tom n'ira nulle part, qu'il restera là où il est, qu'il va prendre moins de 30 millions, et qu'avec Amendola qui rentre, Edelman qui va se soigner, Sanu qui va monter en puissance, on va se trouver Harry qui va monter en puissance aussi, on va se trouver une petite pépite sur la free agency, on va se trouver un petit receveur qui était en mal de jeu cette année, qui va nous sauver la saison. Moi, Brady reste et sans, il faut pas écouter tous les rapports qui sortent. Là, par exemple, t'as les Riders qui veulent matcher les 30 millions et qui veulent en plus nous envoyer le quart en trade. Est-ce que tu veux qu'un échange entre Derek Carr et Tom Brady pour les Pats? Je pense que les insiders sont un peu soit sous encore l'alcool de la soirée d'hier, soit qu'ils ont pris des substances qui étaient pas très légales, en tout cas pas bien mis en tout cas. Arthur, qu'est-ce que toi tu en penses de Tom Brady? Non, avec un trade avec les cars. Je préfère encore qu'on signe Dalton en free agency, au moins pour faire un duo avec Stidham plutôt que de récupérer Carr en trade. Arthur, qu'est-ce que toi tu en penses de Tom? Moi, je suis d'accord avec Igor. Je pense qu'il partira pas. Pendant une bonne partie de la saison, j'avais des doutes. Je pensais vraiment qu'il allait prendre sa retraite quand on voyait que la ligne offensive était malmenée, qui était beaucoup bousculée, qui avait du mal à trouver les receveurs. J'avais l'impression de voir de la frustration. Je pensais que c'était la dernière saison. Là, vu ce qui a l'air d'en ressortir, il a l'air partant pour prolonger, donc prolonger en NFL en tout cas pour l'instant. Donc voilà, je pense qu'il va rester aux Patriots. Alors quand on regarde un petit peu les équipes potentielles, celles qui semblent se dégager, c'est les Chargers. À part les Chargers, j'ai du mal à voir une autre équipe qui pourrait l'intéresser. Donc l'avantage des Chargers, c'est que c'est en Californie. Ça c'est ça, pour ça on peut pas lutter. Après les Chargers, leur stade, Titans, on parlait Titans dedans. On parlait Titans aussi avec son Mike Vrabel qu'ils aiment beaucoup, qui s'entend très bien. Ouais, attends que moi tu vois. Après voilà. Alors là non, mais enfin voilà, les gens ils viennent sous Vrabel, je crois pas du tout. Les gens, ce que tu dis Prez, tu dis attends que Brady vienne, il y aura des gens qui viendront au stade. Mm-hmm. Les gens ils viendront au stade dès que les Chargers perdront dans le troisième quart, ils vont pas pousser derrière pour le supporter. Les gens ils vont se barrer au troisième et le stade sera vide à la fin. Le public des Chargers, c'est pas des fans, c'est ouais, des mecs. Ouais, mais donc tu mises Los Angeles, s'il y va, je suis pas sûr. Mais s'il va là-bas, tu mises sur un échec donc de Brady. Ah non, non, mais il va pas faire une saison à 16-0. Non, bien sûr. Enfin, il y aura des matchs sans. Les Chargers, c'est pas non plus une écurie, une équipe qui défonce tout sur son passage. Et qu'est-ce que les Chargers ont de plus à apporter que les Pats niveau armes? Ok, ils ont Keenan Allen. En tout cas, c'est pas la ligne. Oui, mais ça, il faut pas le voir comme ça sur le papier. Il faut voir le projet que propose une autre équipe à Brady. Si vraiment il y a un beau projet de construction autour de lui, ouais, et que les Pats, finalement, ils sont en train de demander à Brady de plus faire un coaching de Stidham ou d'un jeune, de doucement lui proposer un truc de sortie, je pense qu'il optera pour un départ. Oui, mais le projet, c'est un projet à court terme. Dans tous les cas, c'est du winner. Est-ce que dans les deux années qui arrivent, les Chargers ont l'équipe pour faire gagner un Super Bowl à Tom? J'ai des doutes là-dessus. Alors, des armes, mais pour moi, pas suffisamment pour donner à Tom l'envie de partir, parce que Tom, alors, partant des Patriots, et est-ce que les Pats et Arthur. Et est-ce que les Pats ont les armes pour faire gagner Tom dans les deux saisons? Avec la free agency qui arrive. Oui. Mais bien sûr que oui. Je suis pas si sûr. Igor, t'es très positif. Enfin, voilà. Je suis pas très sûr. L'équipe, elle est pas foncièrement différente de l'équipe qui a gagné le Super Bowl il y a deux ans. On reste des contenders beaucoup plus sérieux que les Chargers. Je pense, voilà, il y a des trucs à améliorer, mais il faut pas oublier que les Chargers dans leur division, il y a les Chiefs qui sont mine de rien, qui sont au Super Bowl cette année, qui ont une équipe pour le coup qui est jeune, qui risque de devenir de plus en plus forte, je pense. Attention au cap et les re-signatures du côté des Chiefs, peut être très compliqué. Non, parce que ouais, ils ont un noyau quand même qui est plutôt pas mal. Je dis pas que ça va devenir les nouveaux Pats, hein, parce que gagner pendant 20 ans de suite, ça personne leur fera jamais, j'en suis persuadé. Mais sur les 3-4 années qui viennent, je vois mal la tendance s'inverser dans l'AFC West et je vois mal les Chargers passer devant les Chiefs. Moi j'ai un avis sur les Chargers. Ah, vas-y, président. Non mais vas-y, dis ce non, que non, tu veux non, dire. Non, mais c'est que j'allais parler de Pierre et après on va te demander ton avis global sur. Vas-y, Pierre. Alors moi l'avis sur Brady, je suis plus de l'avis d'Igor. Enfin, et de Arthur du coup, mais pour moi il va rester. Je pense que c'est juste comment dire, on attend juste la décision, mais je crois pas à un départ. Enfin, peut-être parce que je peux pas me l'imaginer, mais en tout cas je crois pas à un départ. D'ailleurs, Igor parlait de receveur potentiel. Moi, je vois très bien un joueur à la Stephon Diggs qui avait des conflits avec son équipe arriver cette saison. Ouais, moi aussi. C'est fait partie d'un de mes choix. Ouais, c'était, mais bah, vu la fin de saison qu'il a terminé, je pense que ça va être difficile. Je vois pas les Vikings s'en séparer pour le coup. Ah, moi je suis pas sûr que je suis pas si sûr que ça. Bah, je ça pense va... que c'est, il fera un hold-out dans tous les cas. Il fera une Melvin Gordon. Ouais, je pense. Ouais, je sais pas. À mon avis, s'il y a un, mais on va en parler tout à l'heure. Justement, ça va être le cas. Mais on va en parler un peu. Je pense que si quelqu'un doit chercher un receveur, ça va. Pour Tom, ils vont tenter encore le pari d'un receveur un peu fou. Tout que toi, évidemment, t'adores Arthur, que d'autres un peu moins. Bonjour, président. C'est Odell Beckham. Clairement, l'autre qui essaie déjà de tout faire pour se faire partir. Je pense que l'équipe qui peut récupérer Brady va sûrement essayer d'aller chercher plus un Odell Beckham Jr. qu'un Diggs. Bon, on va y revenir. Président, toi, qu'est-ce que tu en penses de Tom? Alors, on rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu sur la page, il y a un excellent papier du président qui vous donne non pas son avis sur ce que va faire Tom, mais en tout cas qui vous donne le contexte, les réflexions et à la fois de Tom et à la fois la position de Bill et de Robert Kraft un peu dans les décisions de futur de la franchise aussi. Mais ça, du côté des Pats, on va en parler dans un tout petit peu plus tard. Président, du côté de Tom, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ce qu'il va faire? Donc, alors, tu parles des Chargers. Et est-ce que, moi, je repose la question, est-ce que les Pats ont, foncièrement avec la Free Agency qui arrive, les armes, parce que ça va coûter très cher, etc., etc., pour dire à Tom, on a suffisamment dans 2 ans encore à devenir un très fort contender? J'ai plusieurs, tu sais, par rapport à cette question, tu te doutes bien que j'y pense beaucoup, je cogite sur le sujet, et je pense... Il faut se positionner sur différents points de vue. Le premier, c'est celui, tu viens de parler du papier que j'ai fait sur notre blog. Ça a été un petit peu j'ai voulu montrer que le départ de Tom était envisageable. Et qu'il faut pas croire que parce qu'il est ce qu'on sait qu'il est, le GOAT, qu'il est Tom Brady, qu'il est notre idole depuis tant d'années, que pour ça, il va rester. Faut pas oublier que les sportifs aux États-Unis, ils ont un amour du maillot qui est énorme, beaucoup plus que dans le soccer en Europe, c'est incomparable, ou même en NBA. Donc les mecs, ils mouillent le maillot pour leur équipe et pour leur région et pour leur ville. Mais ils restent des Américains et des compétiteurs. Et l'athlète américain, avant tout, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent, même si ça paraît fou, parce qu'on sait que Tom Brady, il en a beaucoup, encore plus avec sa femme. Donc il y a ce point de vue, je pense qu'il faut penser à ce point de vue. Il faut avoir ce point de vue. Ensuite, la deuxième manière d'aborder le sujet, c'est se mettre à la place de Tom Brady. Pour moi, Tom Brady, cette saison, il a énormément souffert. Et je pense qu'il était même... On n'a pas parlé, on n'en sait rien, mais je pense qu'il était en colère. Il y a eu des fois sur le terrain, on voyait qu'il faisait une passe à Meyers, par exemple, ça n'aboutissait pas, il était énervé. Il faisait une passe à Harry, ça n'aboutissait pas, il était énervé, il était en colère. Je pense qu'il n'avait pas les armes qu'il aurait voulu avoir. Pourquoi il les a pas? Tout simplement parce qu'on a misé sur Flash Gordon et Antonio Brown. Et c'est deux monumentales erreurs. Alors, moi, j'étais, que ce soit clair, je critique, mais j'étais le premier à être très satisfait d'avoir ces deux joueurs. Donc, ben, je me suis planté, hein. Je pensais que ça allait fonctionner. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est une énorme erreur. De ma part, on s'en fout, mais de la part du coaching et de l'équipe et de l'organisation, pour moi, c'est une erreur majeure. Et Brady, je pense qu'il l'a un peu en travers de cette erreur majeure. Alors, je ne sais pas si lui, il était pour ou contre. Vu ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, comme il avait l'air de s'entendre avec Antonio Brown, je pense qu'il était plutôt pour. Mais finalement, c'est pas à lui de gérer ça. Lui, il a juste à avoir des bons receveurs pour gagner un titre. Et il les a pas eu cette année. Il y a quand même Edelman, il a joué avec 4 blessures à la fin. 4 blessures. Et personne n'en parlait. Moi, j'avais des infos, je savais qu'il était blessé, Edelman. Et je me disais, moi, chaque match, je pensais qu'il allait être sur la touche, en fait, Edelman. Et à chaque fois que je le voyais, je disais, merde, c'est pas possible. Et bah, les soigneurs, les médecins, les kinés, les ostéos, ils sont vachement forts là-bas. Il arrive à jouer avec 4 blessures. Mais rappelez-vous, il lâchait des ballons, c'est pas de lui. On voyait qu'il était en souffrance. Donc je pense que Brady, s'il a pas une bonne équipe l'an prochain, qu'on lui assure pas une bonne équipe, je pense réellement qu'il peut envisager le départ. Et pourquoi je pense particulièrement aux Chargers? Alors attention, hein, je dis pas qu'il va partir, que ce soit clair. Moi, je pense dans l'absolu qu'il va plus, je pense plus qu'il va rester. Mais encore une fois, comme le disait mon papier, ils peuvent partir. Les joueurs stars peuvent toujours partir. Joe Montana, il est parti des 49ers. Drew Bledsoe de l'époque, il est parti aux Bills. Alors, la situation était différente. Mais il y a des joueurs sur le tard qui peuvent être évincés de l'équipe qu'ils ont tant à mener haut. Et ça peut arriver à Brady. Pourquoi les Chargers? Dernier point, après je passe la parole. Les quarterback respecte Tom Brady, Mahomes. Il y a Lamar Jackson, vous avez vu, moi j'aimais pas Lamar Jackson, franchement l'attitude qu'il a avec Brady, elle est mais hyper respectueuse, c'est en fait c'est un jeune qui est vachement humble, qui est en admiration devant Brady, moi je trouve ça génial. Et puis tous les autres, ceux de Roethlisberger, ils le respectent à fond, ils sont hyper nombreux à le respecter. Le seul qui dit du mal, réfléchissez, c'est Rivers. Rivers, Philip Rivers, à chaque fois qu'il a parlé de Brady, il l'a défoncé. Je sais pas si vous vous en souvenez, hein, Cédric, on avait écrit plusieurs papiers là-dessus. Rivers, à chaque fois, il critique, il dit oui, bon, il a eu du bol contre les Seattle Seahawks, s'il y a pas Butler qui fait l'interception, bah, il a encore perdu un match, contre les Eli Manning, il a perdu un match, etc. Rivers, à chaque fois, il critique Brady. Alors, moi, je pense qu'il est, pardon? C'est les 5 TD de l'année dernière qui lui restent en travers de la gorge, quoi. Ouais, sans doute, mais moi je pense qu'il est juste frustré et un peu jaloux. Pourtant, franchement, Rivers, je suis vraiment un de ceux qui l'a vu jouer et qui trouve que c'est, il est vraiment monstrueux sur le terrain. Mais je pense qu'au niveau humilité, il y a à revoir. Bon. Et donc je me dis que Tom Brady, s'il va là-bas et qu'il remplace Rivers et qu'il ramène un Super Bowl, je pense qu'il lui dit un tout petit peu, enfin il le mouche un tout petit peu. Et alors, je dis pas qu'il va y aller que pour Rivers, hein. Mais je pense qu'au fond de lui, il a un peu ça en travers la gorge. Il a peut-être quelque chose à prouver s'il va là-bas. Dernier point, il aurait quand même Gordon qui est revenu donc de son fameux problème où il a pas joué le début de saison. Il a terminé la saison quand même avec une super saison. Il a mis 8 ou 9 touchdowns. Il a Ekeler comme remplaçant au sol, donc ça veut dire qu'il pourrait s'appuyer sur un jeu au sol hyper complet. À la passe, il a quand même, vous en avez parlé, il a Keenan Allen et il a Mike Williams, qui est quand même super fort. Ils ont une bonne défense. En Titan. Et il a un Titan. Pardon? Il a Hunter Henry, un Titan. Et il a un Titan qui est pas mauvais. C'est Henry, ah, oui. Il joue bien. Il a mis plus de 600 yards cette saison. Il ouais, a il mis, agent, mais oui. 6-7 touchdowns, je me souviens plus, mais enfin, il a fait une belle saison. Alors que nous, excusez-moi, mais vous avez l'impression qu'on a des Titans, nous? Bah, Henry est sur le départ, hein, a priori, des Chargers. De toute façon, la seule chose pour laquelle je ne vois pas aux Chargers, c'est une question tout, c'est un truc tout con, c'est qu'il va se faire mais défoncer la gueule à chaque match. La ligne des Chargers, elle ne tient absolument pas. On oui, a mais regarde, plus au sol, si te plus au sol qu'autre chose. Centre, si te prennent un bon LT. Ouais, mais après, t'as le salaire cap aussi qui va derrière, hein. Non, mais tout à fait. Mais après, je suis pas sûr qu'il y ait le même problème chez nous. C'est un projet à voir. Est-ce qu'ils l'ont, ce projet, les Chargers? S'ils l'ont, ça pourra le faire réfléchir. S'ils l'ont pas, comme tu dis, s'il n'y a pas de ligne, il ira pas. Il n'est pas suicidaire. Hein. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire que pour moi, ça serait pas si hallucinant. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il va rester et je le souhaite, bien sûr, de tout mon cœur. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même l'envisager et se dire, on va voir. Après, ce que tu dis, c'est à double tranchant aussi. S'il va aux Chargers et que il répond pas aux attentes que les fans de Chargers ont, là, voilà, son ego. Moi, pour moi, il a tout à perdre. Hein, à faire ça. Il a plus à perdre qu'à gagner, je pense. Complètement. Oui, mais tu sais pas, l'ego d'un sportif de si haut niveau, tu sais à quel point il est haut, et tu sais pas comment il va réagir. Donc, est-ce qu'il va jouer avec son cœur, pour reprendre Cédric, ou est-ce que je change un peu la version, est-ce qu'il va jouer avec son ego? J'en sais rien. S'il jouait avec son ego et s'il cherchait vraiment de la thune, il serait parti au terme de 6 ans de contrat. Mais regarde, j'ai pas parlé que de thunes. Je viens de te parler de Philip Rivers. Je viens de te donner quand même pas mal de joueurs qu'on n'a pas aux Pats. Je pourrais rajouter que sa femme adore la Californie, qu'il est californien. Enfin voilà, on peut en rajouter des choses. Il y a des éléments hors ego. Et moi, attention, et les Pats, on va Andrews, comment il va revenir au centre, on n'en sait rien. Il n'y a plus Dante Scarnecchia aussi. en coach de ligne offensive, donc on ne sait pas du tout quelle tête va avoir la ligne offensive. Même Ted Karras peut s'en aller, donc si Andrews ne revient pas, on se retrouve sans centre. Cannon et sans centre. Est-ce qu'il revient aussi fort qu'avant? C'est ça. Est-ce qu'on a un jeu au sol, il est aussi bon qu'il y a deux ans? Est-ce qu'Anthony va être re-signé? On n'en sait rien. On a énormément de doutes. Est-ce qu'on va avoir le cap pour aller encore aller chercher des receveurs? Aucune idée. Est-ce qu'on a l'argent à aujourd'hui avec tous les free agents qu'on a en défense? Et c'est pour ça qu'on peut pas savoir. On peut pas savoir. Il nous faut juste deux receveurs, les mecs. Ouais, ah, juste. Il faut deux receveurs. Avec quel argent? Moi, je vous dis, Amendola, il va pas demander une grosse fortune pour revenir. Amendola, il est très sympa, il nous a apporté beaucoup. Mais moi, je veux pas faire du nouveau avec du vieux, hein. Pour moi, ça marche pas. Pour moi, tu peux signer que Amendola. On n'a pas d'argent. On trouve que des free agents. Mais si, on a de l'argent. Mais non, regarde, avec tous les free agents qu'on va avoir à signer, Igor en défense, il va falloir quand même. On a plus de 6 joueurs. Il y a D-Mac, hein. Il y a D-Mac. D-Mac va. Mais enfin, il y en a plein. Tuné. Enfin, quand on voit la difficulté, Andrews, Arthur, toi qui est dans la médecine avec les difficultés qu'a Andrews, on ne sait pas dans quel état il va revenir aussi sur ses problèmes de santé. Donc, c'est pas juste des receveurs, quoi. On n'est pas juste dans Madden. Malheureusement, on a énormément de chamboulements qui peut arriver. On va dire le seul argument à aujourd'hui que je vois certains pour les Pats, c'est qu'à date, c'est Josh McDaniels pour moi qui est toujours le coordinateur offensif, qui ferait que Tom pourrait rester. Et tu sais que c'est tout. Pour moi, tout ça, c'est que du bruit et qu'on ne sait pas. Mais c'est pas que nous ne savons pas, France ou les journalistes américains. C'est que je pense que même Tom ne sait pas. Et rappelle-toi, et ça, j'ai envoyé une info sur. C'était une exclue du fan club. Tom Brady a dit au revoir à des gens à qui il ne disait jamais au revoir, pas dans le staff des Patriots, mais à des gens du la femme de ménage, le cireur de banc, des gens qui ont peu d'importance, il leur a dit au revoir. C'est pas qu'il s'en va, c'est que peut-être il aura une possibilité de partir et là il y réfléchira et s'il s'en va, ben il aura à dire au revoir. Je pense que s'il était sûr de son choix, il l'aurait déjà annoncé. Bien sûr. Tout à fait. Donc il n'est pas sûr. Effectivement, comme tu dis, il réfléchit. Il est ouvert aux propositions. Complètement. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Non, mais il y a plein de choses que évidemment on ne sait pas aujourd'hui. Tom va évidemment vouloir, comme ça a l'air de sortir évidemment, qu'il va avoir des exigences au niveau de ses receveurs. Mais personne peut, même n'importe quelle franchise ne peut lui dire demain, ben, je te recrute telle ou telle personne. Ce n'est pas possible. Parce que la free agency, elle n'est pas ouverte. Parce que si les Pats s'engagent et qu'ils l'attendent, ben, comme j'expliquais en introduction, les Pats prennent 13 millions de pénalités. 13 millions, c'est énorme pour les Pats de prendre 13 millions de dead cap. Donc de toute façon, ou alors Tom accepte de re-signer pour pas grand-chose aux Pats, parce que justement pour se protéger des 13 millions qui sont en dead cap du côté des Patriots, mais évidemment qu'on pourra pas s'engager. Il y a eu les news qui sont sorties comme quoi les Patriots, à un moment donné pendant la draft, voulaient Brown, ils l'ont eu que bien plus tard, voulaient Sanu pendant la draft, ils ne l'ont eu que bien plus tard. Enfin voilà, ils pourront jamais s'engager. Il n'y aura aucune certitude. Ils peuvent te dire, oui, on va aller tenter de chercher des trucs, mais avec quoi? On va larguer tous les tours de draft et tout. Moi, dans l'avenir de la franchise aussi, et je pense aux Patriots aussi avant tout, c'est très compliqué d'imaginer et de se poser des questions. Oui, Tom Brady, on l'adore. Évidemment qu'on l'adore. Il n'y a rien à dire. Cédric. J'ai des doutes. Vas-y. Il y a plusieurs trucs qui viennent de sortir. Et apparemment, les Raiders seraient vraiment à fond sur Brady. Ah, ça, c'est normal. Bah, ils viennent d'arriver à Las Vegas. Les Raiders, de toute façon, ils ont intérêt parce que c'est un nouveau stade, un nouveau public. S'ils prennent Brady, ils savent que leur stade direct, il est rempli. En fait, ils arrivent à Las Vegas et tout. À Las Vegas et tout, c'est bien sûr. C'est une super affiche. Ouais, mais quid de Derek Carr? Je vous dis, c'est pas un mauvais QB. N'oubliez pas qu'il a failli être MVP il y a quatre ans, je crois, un truc comme ça. Et je suis certain que s'il est dans un bon système, c'est un bon joueur. Le problème, c'est que si Tom Brady s'en va, c'est qu'on lui a proposé une situation de jeu qui ne lui conviendra pas. Si c'est pour mettre Carr, et avoir un système de jeu très moyen, là par contre on part au désastre, hein, c'est sûr, ça ne fonctionnera pas. Par contre tu mets un car avec un vrai système de jeu et un vrai projet intéressant, pourquoi pas, moi ça me dérangerait pas. Mais même Dalton, honnêtement, c'est pas des mauvais QB. Il y a des bons QB, mais bon, ça dépend du projet. Tu peux être bon QB. Mais c'est pas moi le truc qui me fait peur si Brady s'en va, surtout c'est la rigueur qu'on a au Pats. C'est on est Brady l'image, excellé, l'image. Et parce qu'il a adhéré totalement au concept. Et pourquoi les gens adhèrent au concept chez les Pats, c'est parce que Brady y adhère. Je suis pas sûr moi qu'un Rodgers, qu'un Mahomes, même Derek Carr ne se disent je vais fermer ma gueule, je vais accepter qu'on me critique, je vais accepter que le coach me balance des conneries en meeting. Ouais, mais ça c'est à l'organisation de le programmer, c'est-à-dire que si l'organisation vers Rivers par exemple, c'est qu'ils sont sûrs qu'il adhérera à ce que tu es en train de dire, sinon ils iront pas. Maintenant un Kraft ou un Belichick il fait de la merde, là c'est sûr qu'on n'y peut plus rien, on est mal quoi. Parce que là moi je vois pas un QB dans ce qu'on a là qui soit prêt à travailler autant que Brady travaille. Bah, ça paraît peu probable effectivement. Maintenant on sait pas en fait en réalité. On a très peu de news. Moi, Stidham, là, est-ce que quelqu'un est capable de donner un avis sur ce jeune QB? On l'a vu une fois, il a rentré contre les Jets, il a fait n'importe quoi. Bon, ok, mais c'est un rookie. Enfin, il a fait deux passes, il a lancé, il s'est fait benché. Un rookie, c'est difficile c'est ça. De juger. On ne sait pas, aux entraînements, ouais, on n'est pas H24. C'est trop tôt. Même Mahomes, la première saison, tu n'aurais pas su. Quoi. C'est ça. Alors, et pareil, moi, je me mets dans la position des Patriots. On a énormément de départs cette free agency. La saison prochaine, on a Jesse Jackson qui est en free agent, certes protégé, mais donc même si on le tag, il va coûter cher. Et dans deux ans, on a Gilmore. Donc, Gilmore, on en a parlé pendant l'émission, c'est un monstre défensif. Évidemment qu'on sera incapable de le re-signer, je pense, on ne sait jamais, hein, mais il va demander énormément, est-ce qu'on va être capable de le re-signer? Bon, c'est très difficile de se projeter à deux ans. Mais voilà, ça veut dire qu'on a peut-être une fenêtre de deux ans devant nous. Et encore, en termes de cleaning des Patriots, peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être pas, et je vais m'attirer les foudres, ça va faire réagir, mais un départ de top dans la structure actuelle de la franchise, peut-être que c'est bien de prendre un hit de 13 millions maintenant, de re-signer un tuné en lui mettant pendant 5 ans et de le prendre deux gros hits pendant 2 ans, et tu te rouvres une fenêtre pour aller chercher un Super Bowl dans 3 ans quand tu auras... Mais ça tient la route ce que tu dis, mais ça dépend du projet de Kraft et de Belichick. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils ont en tête en et fait. Puis, et voilà, et ça puis, dépend vers où ils se projettent. S'ils se projettent, comme tu dis, sur un vrai projet et où Tom n'en fait plus partie, bon ben là c'est réglé, mais j'y crois pas, sinon Tom il saurait déjà qu'il part. Bien sûr, évidemment, tu peux pas... Mais question, mais est-ce que Tom, après tout ce qu'il a fait à la franchise... Il le sait pas. Est-ce que eux-mêmes, non mais un Robert ou un Bill, est-ce que eux-mêmes peuvent être capables de dire à Tom, non mais désolé, t'es plus dans l'avenir de la franchise. Tu peux pas, c'est le symbole de la franchise. Ils s'adapteront. Ils s'adapteront. Donc évidemment que si Tom revient, bah, ils feront avec, ils joueront différemment. Comme ils ont fait là, en tentant les paris Gordon pendant plus d'un an et prendre Brown. Sinon jamais ils l'auraient fait de manière générale. Ils s'adapteront. Je suis pas sûr que dans les deux prochaines années, ils refassent la même chose. Je pense que si Tom est là, si. Ils vont devoir tenter des trucs. Tom va pas signer avec. S'il re-signe, c'est qu'ils lui ont dit des trucs en off et ils savent très bien que ça sera pas juste en faisant revenir Dani. Ils iront chercher un gros. Mais comment, je sais pas, mais ils vont tenter d'aller chercher des gros receveurs. Si Tom re-signe, c'est pas gagné tout de suite. Donc ils auront pas le choix de tenter des paris. T'as dit quoi si Tom re-signe quoi? Si Tom re-signe, c'est dans un projet de gagner exactement. Une nouvelle bague tout de suite. Donc ils auront forcément, ils devront tenter des paris. Et il y aura des sacrifices. Et il y aura des sacrifices. Et il va y avoir. Et je pense très honnêtement qu'un des trucs qui fera rester Tom, c'est une certitude d'avoir un Titan, un TE. Si on n'en a pas comme cette année, honnêtement, Tom, il reste pas. Attends, on a aucun TE. Regardez les deux finalistes au Super Bowl. Ils ont deux des meilleurs Titans de la saison et de l'année. Les deux meilleurs des dernières années. Donc à un moment donné, si tu veux gagner, tu sais que dans le jeu actuel, non, ce n'est pas un QB mobile qu'il faut. C'est juste avoir un très bon TE et avoir un QB est capable de faire des passes et capable de un jeu au sol capable d'avancer, c'est juste ça en fait. Si Tom Brady, il a pas d'Evelyn qui revient en forme, il a pas de TE et pas de receveur digne de ce nom, honnêtement, il peut pas signer au Pats, ce serait n'importe quoi. Concrètement. Sincèrement, je pense que Tom ne prendra pas les 30 millions. Ça c'est j'ai une certitude là-dessus. C'est que si il va proposer une liste de joueurs, à Kraft et à Bill. S'ils s'entendent sur la liste de joueurs, ils reviennent. S'ils s'entendent pas sur la liste de joueurs, Brady il fait bon bah ciao et je vais voir si une autre. Bien sûr, moi de ça. Mais le problème, attends, Igor, faut pas oublier une chose. Est-ce qu'il y aura quoi? Est-ce qu'il y aura Odell Beckham dans cette liste? Certains. Alors, moi je pense que oui. Odell Beckham il vient, Brady reste, c'est sûr. Parce que là, d'un coup, tu as un potentiel de dingue, quoi. Tu as un rendez-vous. Sauf que. Moi, vous savez ce que. Ouais, c'est ça, ça. Mais il est monstrueux, ce joueur. Sauf que, faut pas oublier une chose. Là, on demande à Tom Brady, il va donner une liste de joueurs. Mais ça veut dire que. Ça va être du tape-moi dans la main, hein. Ça, on pourra rien lui promettre. Je vous rappelle quand même que si Tom Brady décide de rester. Tom Brady, il y a tu lui tapes dans la main, tu respectes le truc, quoi. Bah ouais, mais. C'est pas Derek Carr, justement. Mais faut-il encore pouvoir aller les signer, ces joueurs? C'est toujours pareil. De toute façon, ils vont. Moi, je pense qu'il y a tellement de. Enfin, comment dire, de respect entre les trois, que bien si bien. Kraft lui dit on y va, ne t'inquiète pas qu'ils vont y aller. Ils vont pas le faire genre, on y est allé, on va pas y aller. Mais je veux bien, mais regarde. S'ils discutent ensemble et qu'ils disent, bah écoutez, ceux-là, oui, on peut y aller, on y va, et Tom adhère au projet et il reste. Mais d'accord. Par contre, si Kraft ils vont jouer carte sur table. Directement, ils vont pas lui dire oui si c'est pour être non à la fin. Mais d'accord, mais faut-il encore un avoir l'argent, deux avoir convaincre les franchises de lâcher un joueur. Tu me dis va me chercher Odell. Mais s'ils sont free agent, d'accord. Mais faut-il encore après derrière convaincre d'avoir l'argent pour les payer? Parce que tu tires mais, une. Mais, c'est toujours très ça. Quand ça se passe, Cédric, s'ils proposent la liste, c'est qu'en off ils ont déjà tout demandé. Vous oubliez les agents au milieu, ils s'arrangent aussi. Bah bien sûr, mais faut-il que ça soit que des free agents? Faut-il que ça soit des free agents? Parce que si dans la liste, t'as un Dix. C'est un parallèle énorme. T'as un Dix. Si ça doit se faire, ça se fera. Certains joueurs. Si Brady proposera pas de nom, un salaire moindre pour jouer avec Brady. Bref, ça on parle de free agents. Mais s'ils sont pas free agents, si t'as un Odell Beckham et que t'as pas autre chose, tu fais comment? Ah, mais Odell Beckham, il viendra jamais au Pats. Ça, j'en suis sûr et certain. Et voilà, il faut que ça soit que des free agents. Avec le nouveau head coach que t'as chez les Browns, ça m'étonnerait fort qu'il se barre. Alors pour moi, ça m'étonnerait. On verra bien. Bon, on joue les prolongations. On avait dit que c'était jusqu'à 19h. Mais bon, quand on parle des pattes, ça dure des heures. Allez, on va essayer quand même d'accélérer un tout petit peu cette émission. On pourrait encore durer très longtemps sur Tom, mais on le continuera pendant de nombreuses semaines encore dans les commentaires, sur Twitter, sur Facebook, tout ça, sur le forum. Donc voilà, maintenant que le coup d'envoi est lancé, on peut durer longtemps sur ces discussions, Tom. Mais messieurs, on va essayer. Pardon, Igor. À part si Tom annonce sa décision ce soir lors du Super Bowl. Ah, ça. Ah ouais, alors ça c'est encore autre chose, mais j'y crois pas non plus. Ah ouais, non, faut pas, j'y crois pas. Là, il faut quand même se dire que si vous regardez sur Twitter des choses comme ça, on est à, allez, grosso modo à 5-6 heures du coup d'envoi du Super Bowl et ça ne parle que de Tom. Le Super Bowl passe ça au Ça parle quoi Ça parle que de Tom. C'est un truc de fou sur les réseaux sociaux, ça parle que de Tom, ça parle que des riders, ça parle que de ça, mais c'est pas que sur Twitter, c'est qu'à la télévision Adam Schefter, Rapoport et tout, monumental. Le mec il est pas au Super Bowl mais on parle quand même de lui le jour du Super Bowl. C'est magnifique. Ah non, mais c'est sûr que ce côté-là, c'est propre et écoutez, on verra, on continuera. Messieurs, on va quand même avancer un peu rapidement sur, au-delà de Tom Brady, des Patriots. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Alors, que c'est sur la free agency et la draft, Pierre, qu'est-ce que doivent faire les Patriots, notamment, déjà peut-être sur la free agency, on sait qu'il y a beaucoup de remplacements. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour renforcer cette équipe? En tout cas, voilà. Par rapport à tous les enjeux que l'on connaît, on en a parlé de Tuné, on a parlé de Dimac, on a parlé de Collins notamment aussi, etc. Qu'est-ce que pour toi, Pierre, qu'est-ce que les Patriots doivent faire et sur la free agency et sur la draft? Bah, sur la free agency, déjà, sur nos free agents, il va falloir réussir à garder une défense qui tient la route. Bon, ça, on l'a déjà évoqué. Sur la draft, moi, je pense qu'il faut renforcer absolument la ligne offensive et trouver un tight end. C'est crucial. On est d'accord. Donc voilà, après, si on a ça déjà, c'est pas mal. Et après, ben, il y a forcément donné quand même des armes en plus à Brady parce que, bah, sans revenir sur tout le débat qu'il y a eu, trouver au moins un receveur de très très haut niveau pour notre QB, quoi. En espérant que ce soit lui. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que Tom Brady, ça, on peut pas l'occulter dans le côté des Patriots, dans ce qu'ils peuvent faire à la free agency et à la draft. Mais voilà, de manière générale, Arthur, qu'est-ce que sur le reste un peu des joueurs, des perspectives des Patriots, qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire et dans quoi ils devraient s'orienter? Alors, un joueur dont on parle peu, rarement et pour lequel, enfin, c'est un des free agents qu'il faut absolument garder pour moi, c'est Adam Butler sur la ligne défensive. C'est notre meilleur defensive tackle. C'est pour moi, c'est indispensable de le conserver. Ensuite, si je devais dire deux autres free agents, bah, évidemment Tom, comme on en parlait, et Tuni, parce qu'il faut garder une solidité de la ligne offensive. C'est la seule façon de conserver Tom. Et au niveau de la draft, ouais, c'est un tight end avant tout. C'est ça apporterait une nouvelle arme et une solidité dans la ligne. Je pense que déjà, si on part sur ça, bon, bien sûr, peut-être qu'un receveur supplémentaire, pas forcément une star, hein, mais voilà, un receveur qui peut performer, quoi, mais qui, ouais, voilà, un mec qui fait le taf, qui a des mains solides et qui a des mains sûres surtout, parce que ouais. Il y a eu beaucoup de drops cette année quand même. Voilà, un mec qui a des mains sûres, ça peut faire du bien. Et je pense que après, voilà, il y a beaucoup de free agents, malheureusement. D-Mac, je pense qu'on aura du mal à le conserver. Van Noy, pareil. Et Collins. Ouais. Collins, ouais, Collins, ça risque d'être compliqué aussi. Je pense que Collins peut peut-être partir. Van Noy, ça dépend. Peut-être qu'il peut rester. Non, Van Noy, je vais voir. Non, Van Noy, il va partir. Il veut de l'argent. Il veut un contrat. Il a jamais eu de gros contrat. Ouais, il veut un gros contrat, Van Noy. Il en a jamais eu de gros contrat et c'est vraiment sa dernière occasion d'en avoir un. Van Noy, c'est l'occasion ou jamais. Hein. Van Noy, il vient des Lions, il était un premier ou deuxième tour, je crois. Hein. Il était voilà, mais sauf qu'au Lions, c'était un bust. Voilà, c'était un premier ou deuxième tour. Un bust, et il a eu un petit contrat aux Pats, il a joué au-delà de nos attentes, et je pense que pour lui, le mieux c'est de chercher un gros contrat ailleurs, parce que les Patriots... Ouais, moi aussi. À mon avis, on risque d'avoir les New York Patriots dans pas très longtemps, à mon avis. C'est clair. C'est ce qui risque d'arriver. Mais de toute façon, si tu regardes les Titans, si tu regardes les Dolphins, si tu regardes les Lions, c'est que des anciens des Pats. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, mais c'est pour ça qu'Andy Mack. Les Giants. Ouais, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Dima. En fait, ils nous prennent tout le monde. Quoi, attention, Butler. Ouais. Entre un Butler, D-Mac ou Van Noy, les trois, ils peuvent aller aux Giants. Hein, parce que le coach... Ouais, ça me fait rire. On se fait cracher sur toutes les franchises. On se fait cracher dessus. Et quand ils récupèrent nos joueurs, nos entraîneurs, nos machins, c'est la meilleure chose qu'ils aient jamais faite. Alors, tu vois, le genre de choses comme ça, moi, ça m'énerve un peu. Ouais, c'est vrai. Après, c'est aussi... Ça s'appelle juste de la jalousie, hein, c'est tout. Et puis après, c'est aussi la stratégie des Pats qui veut ça. On garde pas forcément nos joueurs parce qu'on... On paye pas forcément autant qu'eux, mais c'est ce qui a fait qu'on a gagné aussi toutes ces années. Donc, on sait s'en débarrasser. On a souvent perdu tous nos bons joueurs, mais c'est ce qui a permis de construire une équipe dans son ensemble. Ouais. Surtout avec des jeunes comme Vinovic qui sont là aussi, qui veulent du temps de jeu. Il faut leur laisser une chance aussi. Tiens, en parlant, il y a Benoît qui nous le fait remarquer sur le chat. Sur une des photos d'hier soir, Van Doy, il a marqué, alors ça ne veut absolument rien dire, mais ça fait toujours réagir, hashtag free agent dans un de ses posts Instagram. Après, chacun... Oui, c'est normal, il est free agent. Oui, bien sûr. Ah, ben, bien sûr. Mais il dépose son CV. C'est ça, chacun lire après son interprétation. Mais c'est normal. Ah, ben, bien sûr. Mais là, moi, je suis sûr que Van Noy, il restera pas là l'année prochaine. Il y a de gros enjeux hein, pour les Patriots présidents, parce qu'au-delà de Tom, on l'a évoqué, Van Noy, Butler, Tunney, Collins, D-Mac, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, et on parle quasiment que de la, et c'est que de la défense. Quand on sait les difficultés qu'on a. Offensif, le salary cap compliqué. Je voudrais un point. Rappelez-vous, on avait eu une discussion il y a pas longtemps, il y a 2 mois. On disait, putain, les free agents, que ça va être un tel. Et on avait dit, tout le monde m'avait dit sur la page, leur avis, qui restait, qui partait. Et moi, j'avais mis que McCourty, il allait partir. Et aujourd'hui, ça commence enfin à se dire, là, vous en avez parlé, D-Mac, on va avoir du mal à le garder, etc. Moi, depuis le début, je pense qu'il va partir. J'espère me tromper, mais à mon avis, c'est prévu depuis bien longtemps. Il a un certain âge, je pense qu'on peut le remercier pour tous les services qu'il nous a rendus. Je pense que lui aussi, il a le droit d'aller flirter avec la free agency et prendre un dernier gros contrat. Pas dans le même esprit que Calvin Noyd, parce que Van Noy, il l'a jamais eu et finalement, il le mérite d'une autre manière. Donc, je pense que ces deux joueurs, on risque de les perdre. Jamie Collins, vous en avez parlé, malheureusement, je crois qu'il va se barrer. Il faudrait vraiment, je pense, qu'on garde Tunney. Ça serait vraiment quand même le joueur, je pense, à... Allô, président Tunney, oui. On te capte mal, président. Je sais pas où tu es. Ça décroche. Ça a accroché à quel moment? Ah, tu parlais de Tunney. Après Tunney. Ou tu disais qu'il fallait garder. Oui. Ouais, non, juste Tunney. Bah, je pense que c'est celui qu'il faut garder, quoi. Avec Brady, bien sûr. Mais je crois que les autres, finalement, on peut faire sans eux. On peut peut-être y arriver. On peut compenser. On peut faire différemment. Tunney, si tu proposes un projet sympa pour Tom, ou que tu décides, bon bah Tom il s'en va, on fait autre chose. Je pense que tu as besoin de lui dans la ligne offensive, quoi. Moi. Et puis bien sûr pour la draft, Titan, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de Titan. Moi, je voudrais avoir votre avis, messieurs, parce qu'on est quand même habitué aux Patriots à avoir, que ça soit Van Noy, etc. Si vous vous rappelez, on fait toujours des petites trades pendant la saison où on prend des joueurs, non pas pour la saison qui est en cours, mais pour la saison suivante, où pendant quasiment, ben voilà, une demi-saison, ils sont un peu couvés, ils étudient le playbook, ils participent au jeu, mais voilà, c'est pas eux qui sont en tête d'affiche, ils sont en tête d'affiche la saison suivante. Et là, ça fait quelques saisons, alors certes, parce qu'il y a Tom Brady qui tente des paris sur Gordon, etc., sur Brown, et aller chercher Sanu sur un deuxième tour, mais on a moins ce côté... aller chercher des petits joueurs, on a eu à un moment donné Mingo aussi, voilà, d'aller chercher ces petits ajouts qui fait qu'on puisse se permettre de se dire, bah, certains joueurs, bah, on les laisse partir parce que de toute façon, on ne pourra jamais s'aligner niveau salarial. Là, moi, j'ai cette impression que là, sur la saison qui arrive, même si on laisse partir ces free agents, alors on peut peut-être bricoler, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de possibilités en termes de bricolage, ou en tout cas de composition cet effectif qui a maturé, qui a quelque chose, que ça va être vraiment du win now, je pique quelqu'un, il faut que ça marche tout de suite, où il n'y aura pas eu le temps de maturation, qu'il apprenne les playbooks, le style de la franchise, etc. Donc c'est en ça que je suis beaucoup plus incertain sur la free agency que dans la composition, parce qu'on n'a pas recruté déjà en amont, 6 mois en amont, des joueurs qui, on sait que demain, vont prendre la place d'un Van Noy, vont prendre la place d'un Butler, vont prendre la place d'un Tunney, par exemple. Crois-le. Attends, il y a le staff, il sait déjà qui il va mettre. Hein. Oui, évidemment, mais Vinovich, il y a Bentley qui joue pas, il y a des mecs comme Simon qui arrivent, il y a Roberts qui peut être énorme, il y a Vinovich, bien sûr, mais voilà, non. Roberts, il est free agent. Oui, mais bon, tu peux le signer pas cher, lui. Ouais, c'est sûr qu'il sera moins cher qu'un Collins. Ah bah, carrément. Oui, donc je pense, tu as de quoi faire, quand même. Okay. Ah, est-ce que vous ne pensez pas que les free agents, il y en a certains qui attendent quand même la décision de Tom, savoir si Tom revient ou si Tom il part? Évidemment. Ouais, je pense que oui. Tom qui reste, tu sais que c'est du win now pendant la durée de son contrat. 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Donc évidemment, il y en a qui vont se dire, ah ben si Tom reste, on est compétitif. Derrière, Tom s'en va. Tu peux quasiment faire une croix dessus pour tous nos free agents. Si tu voudras les garder, c'est qu'il faudra sortir la max, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra sortir le gros salaire comme toutes les autres franchises. Il n'y aura plus la conviction de dire regardez, on a Tom Brady sur le papier en quarterback, c'est qu'on va aller chercher maintenant. Et demain, on a qui pour dire on va chercher quelque chose? Personne. Surtout pour des joueurs comme D-Mac, par exemple, qui est vers la fin de sa carrière. Il a déjà eu une première fois un gros contrat. Je pense que la décision de Tom, ça va jouer sur son avenir aussi. Ouais, peut-être qu'il peut rester si Tom reste. Si il a la perspective de gagner une bague en plus dans les 2 ans à venir, c'est possible qu'il signe un petit contrat de 2 ans pour rester. Oui. Ouais, moi aussi, je pense. Je pense que la fenêtre de Tom, elle est de 2 ans. Hein. Enfin, de Tom, de Depats, parce que avec un Gilmore qui, je vous dis, qui est dans 2 ans et free agents aussi, quand on voit ce qu'il apporte en termes de protection aérienne, après peut-être qu'on va tomber si on va recruter des quarterbacks, des cornerbacks de folie bientôt à la draft ou je ne sais quoi. C'est bien sûr, mais avec moi je me dis qu'avec la fenêtre de Gilmore qui est sur 2 ans, on peut essayer de signer 2 ans tout le monde, mais ça s'arrêtera là. Mais après le reste, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Hein. Et je reste très inquiet. Ah, on a un Dante Scarnecchia qui est parti. Que va donner... Ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Que va donner la O-line si on signe plein de Tuné? Si Tuné part avec l'argent, même si Tom a dit je veux X, Y receveur, ça va être très, très compliqué. Ah, après, on ne sait pas. Hein. Moi, j'ai un truc fou à vous proposer. Andrews, qui a passé toute sa off-season à observer comment on coachait la O-line, est-ce que si jamais sa blessure l'éloigne vraiment de la ligne, est-ce que vous pensez pas qu'il pourrait prendre la place? Il est jeune quand même. Il sera en tout cas, il sera comme assistant. Assistant au line, c'est sûr. Il faut une aura pour parler aux joueurs. Hein. Il sera assistant. Jeune, ouais, Andrews, il a quand même une putain d'aura quand même. Il sera assistant. Mais moi, je suis sûr que c'est l'année prochaine. Bah, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Moi, je reste persuadé que Mayo, il est aussi là pour ça. C'est qu'en fait, ils avaient en tête de mettre le fils de Bill, mais qu'il est jeune et que Mayo, ayant l'expérience qu'il a, ça crédibilise un peu le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Faut voir. Je pense qu'il y a une notion un peu relationnelle humaine, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu as un vétéran de 5 ans et que tu as un jeune comme Andrews qui a ou le même âge que toi, voire plus jeune, c'est pas dit que tu l'écoutes, tu vois ce que je veux dire? Une sorte de rivalité, un peu un truc inconscient, un peu con, hein, j'entends, mais qui peut se mettre en place et qui est dangereux. Du coup, si tu perds un peu le contrôle de ton équipe, là, c'est fini. Hein. Ah, ça. Mais donc, en tout cas, pourquoi pas à terme, ouais, pourquoi pas, ça tient la route en tout cas. Oui, ça tient après, faut voir, il y a tellement de jeux au niveau coaching et tout, qu'il y a des manques aussi, enfin, il y a pas mal de choses qui font que ça peut être très très compliqué par la suite, et faut voir un peu tout ce que ça va donner, parce qu'il y a énormément de questions au niveau du coaching staff, on en a parlé, que ce soit le remplaçant de Judge, rapidement on en a parlé en équipe spéciale, alors même si ça va être potentiellement ses assistants, des jeunes qui vont monter, qui auront des promotions, enfin... Voilà, le coach de la ligne défensive aussi, qui est parti aussi aux Giants. On a la coach de la ligne offensive, qui est parti en retraite. On a parlé de Dante Scarnecchia. Va falloir remplacer aussi le coach des receveurs et de la red zone, parce que c'est un gros point. On en a parlé en début d'émission sur Chad O'Shea. Cédric, j'ai un message en privé de Nico The Down, un des membres qui nous écoute vraiment très fidèle, et qui propose, lui, que Brady devienne coordinateur des QB pour former un nouveau QB pour le futur de la franchise. C'est pas du tout dans sa culture. Il le fera jamais. Jamais. C'est pas mal aussi. Brady a vraiment pas eu d'âme de coach. Hein. Pas du tout. Non, c'est vrai. Non, pas du tout. Là, pour le coup, c'est pas du tout à l'âme. Justement, pour le coup, il est trop égocentré et trop star. Autant je le vois propriétaire d'une franchise, autant je le vois pas du tout dans un staff. Moi aussi, c'était pareil. Allez, c'est vrai qu'on a joué, messieurs, les prolongations. On devait s'arrêter à 19h. Il est déjà 19h25. Il va être temps de conclure cette émission pour encore durer pendant des heures et tout, de tout décortiquer. En tout cas, voilà. On continuera dans les différents débats qu'on vous proposera sur la page, sur Twitter, voilà, dans les commentaires, continuez, que ce soit dans l'émission, dans les commentaires Facebook de l'émission, sur Twitter, enfin un peu partout, voilà, sur le forum. N'hésitez pas à continuer les débats tant que ça dure. La saison des passes va être très longue. Il y a énormément de sujets sur la table. On attend bien sûr tout de savoir ce que va faire Tom. En tout cas, le mois de janvier est passé, donc maintenant on peut s'attendre aussi à une bonne nouvelle, pas forcément qu'à une mauvaise. Voilà, en tout cas, merci messieurs à tous d'avoir accepté mon invitation et d'avoir participé avec moi à cette émission. Merci aux auditeurs d'avoir été présents et merci à vous les gars. Merci Cédric, merci aux auditeurs aussi. Merci à tous, hein, pour ceux qui ont pris l'émission en cours, vous pourrez retrouver, on va essayer de le mettre rapidement en ligne, en podcast, l'émission d'aujourd'hui. Bon, et n'oubliez pas que pendant encore 4 heures, on est encore champion en titre, les amis. Voilà. C'est ça, exactement. C'est ça, en tout cas, voilà, on va essayer. Ah là là, il y a un an, il y a un an. En tout cas, voilà, vous pourrez retrouver l'émission assez rapidement en podcast. On vous la partagera partout, un peu sur tous les réseaux sociaux, évidemment. Donc n'hésitez pas à suivre le fan club sur la page, sur Twitter, etc., sur le forum. En tout cas, on continue à vous faire partager le maximum d'informations, le maximum de débats. Vous puissiez réagir, n'hésitez pas à réagir un peu partout. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de l'émission. Allez, dernière question avant de se dire au revoir, messieurs, en une seconde, votre pronostic quand même pour le Super Bowl, parce que c'est quand même le jour du Super Bowl. Igor, ton pronostic pour ce soir. Allez. Les Patriots. J'allais dire Ravens. Non, ça. Ça, c'est une. Non, non, n'est pas au Super Bowl. Merde. Oh, je suis surpris. J'aurais pu vous demander le pronostic de qu'est-ce que c'était la photo de Tom Brady aussi, mais alors sinon on en est reparti pour 2 heures. Niners pour toi, Igor. Pierre. Niners, sans hésiter. Arthur. Chiefs, bon. Président. Chiefs, c'est l'année de Mahomes, il aurait dû être MVP, il l'est pas, il est énervé, il va tout casser. Ouais, je pense aussi les Chiefs ont quand même une attaque, qui est, même s'il y a une grosse défense en face des Niners, les Chiefs ont quand même un jeu extrêmement équilibré avec des armes dans tous les sens. Oui, c'est leur année, l'an dernier, ils auraient dû gagner, mais il y avait les Pats, donc c'était pas possible. Cette année, on n'y est pas, donc ils vont gagner. C'est ça. Par contre, ça peut être un match peut-être à gros score offensif. Mais bon, ouais, tout ça risque de ne pas en parler, vu que Tom Brady va faire une publicité dont il va annoncer quelque chose. Et donc, on ne parlera plus du Super Bowl, même pendant le match. Allez, merci à tous. C'était une bonne soirée, quand même un bon Super Bowl, une bonne off-season. On reviendra peut-être pas. En tout cas, voilà, on partagera un maximum d'infos à réagir. En tout cas, pour tous, merci à tous. Et n'oubliez pas le fan club français des New England Patriots partout. Partout. Toujours. Bonsoir. Ciao.